Attention, l'épisode que vous vous apprêtez à écouter est un fail auditif, mais on trouvait le contenu trop bon pour le scraper. Sur ce, nous vous présentons donc Geek Collectif, épisode perdu, numéro 1. Il me semble que ça fait quoi? Ça fait 3 épisodes, puis j'ai encore de la misère à faire ça. Bienvenue au Geek Collectif, le podcast, saison 1, épisode 3. Mélanie, Milter, Eric, bienvenue. Salut. Salut. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va. Moi, ça va très bien, très bien, très bien. Très fatigué, là, la job. Ouais, c'est la vie, comment? C'est la vie, ouais. Moi, j'ai même pas travaillé aujourd'hui, fait que je suis encore plus fatigué. Tu sais comment ça marche? Pas travaillé, plus fatigué, ouais. Le pire, c'est que c'est ça. T'sais, imagine, tu sors de ton week-end à cette heure, puis on dirait que tu es encore plus brûlé que si tu viens de te claquer une semaine de travail. Et c'est oui, monsieur. La vieillesse, les gars. La vieillesse, ouais. Oh, ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Regardez-vous pas tous avec un air de crapet soleil. Mais y aller. Vas-y donc. Moi, j'étais en vacances la première semaine. Ça fait une semaine que je travaille, que je suis revenu. Fait que je n'ai profité pour faire une couple d'affaires. Puis. T'as l'eau aux pommes? Hein? T'as l'eau aux pommes? Pas aux pommes, ce coup-là aux citrouilles. C'est pour vrai? Oui, pour vrai. J'ai accompagné la garderie de mon gars, genre, aux citrouilles. Dans le fond, ça s'appelle le Centre d'interprétation de la courge. C'est comme nom. Là. Oui, Centre d'interprétation. Attends, l'interprétation de la courge. Donc, il y a-tu plusieurs étapes? Ouais. Non, ben, sérieux. Je peux t'en monter 3 de retour. Ouais. Il y a des courges, il y en a des vertes, des citrouilles, ça en a des blanches, et ça va être dégueulasse. Mettons qu'on démystifie ça tout de suite. Là. T'arrives là avec une barouette. Ben, t'arrives là-bas, tu pognes une barouette. Okay. Moi, j'ai mis mon kit dedans. Ouais, parce que sinon, t'es pogné à traîner le kit dans tes bras, en plus de pousser une barouette. J'ai mis le kit dans la barouette. En plus, j'ai du plaisir. Ben oui, il tripe, ben raide. Tu t'en vas dans un champ de citrouilles. Il y a plein de citrouilles, là, c'est long. Ça marche comment? C'est-tu des rangs de citrouilles? Ouais, c'est pas mal des rangs de citrouilles. Des quadrilatères de citrouilles. Des je ne sais même pas ce que ça veut dire, des quadrilatères. De c'est des gros patchs de terrain de citrouilles. En tout cas, okay. Tu as des petits chemins entre, là, puis tu te promènes là-dedans, puis il faut que tu dis à ton kid, prends la plus belle. Mais là, il se garoche à la première sur le bord. Fait c'est la plus belle c'est pour lui. Sûr, ben, la loi du moindre effort commence de bonheur. Là. Comment? La loi du moindre effort commence de bonheur. Ouais, ben, en tout cas, il garochait tout. Mais aussi, il y en a qui. Ben, c'était une garderie. Fait qu'il y en a qui ne catchaient pas. Ils en pognaient genre 28 puis bourraient barouette. C'est comme wow, t'as le doigt une. T'as peur, on a une demi-heure. Là. C'est ça, choisi. Fait que t'essaies de perdre du temps avec ça. Mais en tout cas, personnellement, je trouvais ça différent. Qu'aller aux pommes. Là, c'est... La question qui tue? Ouais, ok. Où je voulais en venir avec ça. Il y a du Wi-Fi aux citrouilles. Il n'y en a pas aux pommes, mais aux citrouilles, ils ont du Wi-Fi. Fait que dans le fond, là. C'est ça, non, mais ça n'a pas de sens. Il y a du Wi-Fi aux citrouilles. Je savais même pas avant cette sortie-là qu'aller aux citrouilles, ça se pouvait. Puis ben, je me rends compte qu'ils ont du Wi-Fi. Mais je te gage qu'il y avait en plus une grosse montagne de citrouilles à quelque part, parce que ça, c'est classique des places à citrouilles. Mais c'est quoi les classiques, tu sais, mettons, bottes de foin? Montagne de citrouilles. Y avait-tu quelqu'un qui a une chemise karaté rouge? Ben de la boîte, puis une coupe de chemise de... Un scarecrow. Il y a au moins un scarecrow dedans. Ouais. Je n'ai pas vu, sérieux. C'est peut-être pour pas faire peur à toutes les trolleys d'autobus d'enfants qui vont là. Je sais pas. Hey, ça fait toujours être... peur, ça? Ben, quand t'as 4 ans, peut-être que oui. C'est ça le problème d'être un homme de 25-30 ans et plus qui écoutait Wizard of Oz quand il était kid. Hein? Toutes les on s'entend que Scare... T'as peur qu'il vienne danser avec toi. Scarecrow, dans ce temps-là, puis prend... C'était quoi le dude là, dans Red Eye là, qui faisait dans Batman? Le dude dans Red Eye qui faisait Batman? Non, pas qui faisait Batman, mais qui jouait dans Batman, il faisait Scarecrow. Ouais, je sais pas c'est quoi son nom, mais Scarecrow, ouais. Dude, c'était Scarecrow-là versus l'autre Scarecrow. Celui qui veut c'est quoi qu'il veut, un cœur? Non, un brain. Un brain. Le cœur, c'est le robot. Un veut un brain, l'autre, il veut te tuer, puis t'asphyxier, puis peu importe. Te faire vivre tes pêches, je pense. Je préfère celui qui était mon ami, qui travaillait sur la ferme, qui était dans le monde en couleur. Les jeunes, ils se souviennent de l'autre, pareil. quand ils sont petits, là, c'est... J'avoue, ben justement, par exemple, tes enfants ont-ils déjà vu Wizard of Oz? Non. C'est juste, ça me tente pas qu'ils commencent à triper là-dessus. Puis pourquoi pas? Ben, ouais, t'es obligé. Ouais, mais... Parce que t'as Oz en plus. Ah non, parce qu'il va être obligé de sortir son vinyle de Pink Floyd. Il y en a un qui vient de découvrir Caillou, puis je te jure, il l'écoute sur repeat de temps à temps. Fait que je me dis, si ouais, c'est moins... Ouais, mais faut que tu gères son repeat, là. Le Wizard of Oz sur repeat, je vais ouais, mais c'est moins épais le Wizard of Oz que Caillou. Tu sais, c'est une échelle de zéro, je m'arrache mes cheveux. C'est, avec, c'est d'autres choses, mais sur repeat, tout devient mauvais. Fait que tant qu'à me scraper quelque chose de bon, ben de moyen, là, j'avoue que c'est pas mon Somewhere préféré, Over là. The Rainbow, Judy Garland, là, non. J'aime la toune, là, mais pas... en tout cas, sur repeat, man. Ça doit être moi qui est peut-être obsessif, compulsif, mais mettons que je viens de découvrir une bonne toune. Je suis genre d'épais, là, que la toune est sur repeat dans le char pendant que je suis dans le trafic, puis tout va bien. Ouais, puis ça va durer une semaine, puis après, tu voudras plus jamais entendre cette toune-là de ta vie. Ouais, mais je correct. Un mois après, je m'en rappelle plus. Il nous apprend les horreurs d'être un parent dans le futur, là. Il y a peut-être un moment awkward. C'est les affaires, c'est les Bermudes. Mais il y a toujours le moment awkward quand j'écoute une tune en repeat dans mon char. Tu sais, l'été, les vitres sont ouvertes, puis je fais le cheap pour le monde à côté de moi, pogné dans le trafic. Ils sont comme, man, change de tune, ça fait 8 fois, arrête. Ouais, j'avoue, hein. J'écoute des podcasts, fait qu'en char, t'as du monde qui parle bien fort, puis tu sais pas qu'est-ce que le monde va dire des fois. Fait que ça peut être vraiment awkward pour le gars à côté. En tout cas, j'ai plus hâte d'avoir des enfants. Là. Je t'ai coupé ça bien. Ben, pas vraiment, mais c'est parce que tu peux pas gérer un peu qu'est-ce qu'ils vont écouter. C'est ben ça, oui, un peu, j'en reviens à ça. C'est mais... des temps de TV, mais tu sais, je parle, c'est quand il veut mettre Caillou, c'est Caillou, va à la plage. Fait que ton kid, quand il va être plus vieux, tu vas le faire voir Star Wars la première fois, tu peux pas l'embarquer là-dessus tout de suite pour que c'est ça qu'il va écouter tout le temps ou... Mais puis je parle même pas du film, je parle des séries télé maintenant parce que la consommation de Star Wars c'est pas ça qui manque. Il trippe déjà, le plus vieux, le plus jeune, lui, il s'en fout, là, quand il le regarde pas tout de suite, mais c'est ça, plus vieux. Mais tu sais, les enfants, c'est fucké aussi. T'sais, je vais faire une confidence, là, puis écoute, je m'aventure dans le. T'étais un enfant un jour. Quand j'étais un enfant, j'avais peur d'E.T. Tu sais, okay. Tout le monde a trippé E.T., là. Puis tout le monde était comme, moi, c'était tellement bien fait hein, que j'avais la chienne qui vienne me pogner le soir, puis moi, je trustais pas E.T. paranoïa qui a évolué et qui confirme 30 ans d'existence perturbée ou peu importe. Il n'y a pas de l'air de la stable. Hey, y a-tu de l'air dérangé? C'est laid quand même. Il gros doigts. Il se cache dans les bébelles, il reste immobile. Puis, come on, là, dude. C'est comme tu prends tous les critères d'un mime que j'ai eu. C'est pas charmant au moins. Moi, je l'ai vu au cinéma quand j'étais kid, ce film-là. Puis, ça m'a pogné pour de bon. Là. Moi, j'ai jamais eu peur d'E.T. Je sais pas. Même pour j'ai eu peur d'E.T. Non, moi, je m'en rappelle. J'avais peur pour E.T. au début du film. Pour vrai? Ben ouais, j'avais peur des. Moi, j'avais peur de les flashlights, les hommes qui couraient dans le bois. C'est vrai qu'une flashlight, c'est pas. E.T. qui se fait laisser là tout seul, puis ses parents qui partent, puis qui braillent, puis tu le sens tout, là. Et parlant de flashlight, un autre flashback de jeunesse. Avez-vous eu la flashlight Play School 3 couleurs? Ouais. C'est pas moi, non. Je l'ai pas eu, mais je sais c'est quoi. Man, c'était comme mon meilleur ami quand j'étais jeune. Ça. C'était comme rouge, vert ou blanc. Do. C'était écœurant, man. Ouais. Hey, t'as une flashlight pour un kid, ça fait comme déjà du trip. Puis là, tu peux la mettre rouge, vert ou blanc. Puis là, si t'as écouté Return of the Jedi, puis t'es jeune, puis tu catches, t'as une flashlight, puis tu peux la mettre verte. Ou rose. Tu faisais des petits lightsabers. Tu te fais un lightsaber avec ça, puis tu sais qu'après ça, ben, t'auras pas de blonde avant 23 ans, puis. à moins que t'aies un enfant élevé dans nos jours, parce que quand t'as 13 ans, c'est cool d'aimer ça maintenant. Ouais, puis à nous, à 13 ans, à cette heure, les enfants dans les toilettes des écoles publiques. J'ai d'autres choses. Ouais, ça joue pas. Quel âge ton gars, Joe? Là, il y a 9, le plus vieux, okay. L'autre, il y a 2. Ah, t'es correct. Là, tu m'as fait penser à d'autres choses pour ma prochaine actualité. Là. Tu dis qu'il se passe des affaires louches là, dans les toilettes des jeunes. Là, oh boy, t'as là, toujours là. Arrivé, ça. Mais, ben, sûrement, là, mais check, moi, là, j'étais avec, puis je vais en profiter pour faire un petit shout-out à mon collègue de travail qui est dans la commission des geekers, Bûcheron Dandy. On est allé faire une commission au Best Buy pour la job cette semaine. Quel Best Buy? Marché Central. OK. Puis, on est arrivé là, on a fait notre bon petit achat de disque dur qu'on avait besoin. On se parque dans le truck, puis il y avait un, puis je suis pas prêt à dire un couple, parce que ça avait plus ou moins de l'air officiel, qui faisait du gros necking sale dans le parking du Best Buy. Il était quelle heure, là? Il était midi. Parce qu'on a profité de partir un peu avant notre break de dîner. Ça faisait longtemps qu'ils ne sont pas vus. Ben ouais, mais comment, midi, mais... tu French au Best Buy, marché central. C'est ça qu'on ouais, dit. Marché central, je sais pas. On s'est dit, pas, ça doit pas comme être un quelque ciné chose à côté de... Tu sais comment? Ben oui, il y en a un. Officiel, c'est ça. En tout cas, du gros necking. Fait qu'on se disait ça, ils sont peut-être pas supposés de faire ça présentement. Fait peut-être qu'on profite. Peut-être qu'ils avaient suivi des cours de secourisme. Juste avant, puis ouais. Pratiquait, puis... Bah, peut-être. En tout cas, c'était... Peut-être qu'il commençait son shift. Il pratiquait intense en maudit. Il commençait son shift. Il était pas bien. Il revenait de l'armée. Il revenait de l'armée. Ouais. Il s'en allait en armée. Il s'en allait à l'armée. Dans le parking du Best Buy. Ben, tu sais jamais, marché central, peut-être un autobus qui ramasse les gens pour aller à l'armée, là-bas. Ouais. Ou il faisait juste se cacher. Ben, c'est ça que nous autres, on avait l'impression, en tout cas. On... Ah, tu penses que c'était. Ah, tu pensais du trichage. Ben, soit ça ou, tu sais, du monde qui travaille ensemble, qu'il faut pas qu'il monte à la job, puis on va dîner ensemble, là, puis ça va te naquer dans le parking. En tout cas, m'a pas dire que j'ai déjà travaillé dans des emplacements de ce genre. Mais c'est pas des choses que les gens ont peur de se cacher, je te le confirme. Non, c'est ça. Mais justement, si tu te caches, c'est sûrement plus louche ou non. Ou plus ben, hot aussi. Tu te caches-tu ou tu t'affirmes? Puis tu... Je pense non, que ça mais va faire partie de le cacher, c'est ça, de le cacher. T'es caché, puis là, tu fais « Hey, personne me voit. » Puis dans le fond de ta tête, c'est « Tout le monde me voit, mais j'en profite pareil. Ben, » quelqu'un se voit dans le nez en conduisant, en trafic, whatever, puis qui est comme... Qui touche son cerveau avec son ouais, doigt. Ouais, mais ça, là, ça, on s'entend. Ça, voit, non, non, mais l'hiver, là, tu mets le défrost, puis là, ça chauffe, puis là, ça te sèche le nez. Puis là, un moment donné, tu te fouilles pas dans le nez, mais t'as le nez sec. Puis là, tu veux juste te gratter. C'est tout le temps le moment où ce que t'as une fille hot dans une Volkswagen Jetta qui te regarde, puis qui fait. Fouille-toi dans le nez, le gros. Il y a une émission de Seinfeld que c'est ça, où ce que Jerry est en train de se gratter le nez, puis t'as la fille qui arrive à côté, puis comme. I was just scratching my nose! C'est une autre preuve que Seinfeld est intemporel. Ben, c'est clair. Seinfeld va toujours être up-to-date. Moi, quand ça m'arrive, là, je regarde la personne droite dans les yeux, puis je me fouille dans le nez pour de vrai. Je dis, tu m'as vu? Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent après? Ben non, c'est même ça. Même si c'était pas ça que je faisais, je vais le faire juste en le regardant bien comme il faut. Puis... Après, il coupe plus, il te laisse passer, aye, tout va bien. Soit ça, ben ils font juste te fixer et il n'y a pas un accident. Aussi, monsieur Gass. Eux autres. Là, c'est ouais. Dommage. Moi, je regarde en avant. Ben, ouais. Strange things are afoot at Marché Central, ouais, comme dirait ouais. Bill and Ted. Sinon, cette semaine, Eric, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? J'ai plein de choses qui se sont passées puis j'ai aucune idée où commencer. Mais je pense que je vais aller dans les jeux vidéo. Avec ma découverte noob que j'ai aucunement suivie puis que j'ai décidé de commencer à jouer out of nowhere, puis c'était Dishonored. Vraiment, j'ai là. J'ai pas joué à Dishonored encore. Ce jeu-là, là, je l'ai même pas suivi. Tu sais que t'en viens vieux ou déconnecté ou décroché quand je suis plus en train de lire chaque revue imaginable, je suis plus en train de les lire toutes les revues. Les revues, je pense que tu fais plus ça depuis 12 ans à peu près. J'en ai trois flambants neufs dans la chambre de bain, tu checkeras ça. Ça, c'est cool, pareil. Moi, j'ai des revues, là, moi, dans le bol, on s'entend, ça, c'est un autre non, mais hey, ça, je pense que, honnêtement, là, c'est quelque chose que la journée qu'on veut digital, ça va me manquer. Ben, je pense que ça va jamais pas... à côté du trône. Ben, on va figurer une manière de s'adapter. Ça me tue les magazines, les livres, les e-books. J'aime ouais. Pas ça. Ben, moi, c'est pour ça que j'achète. Ben oui. Moi, j'aime ça craquable. Fuck les arbres, là. J'aime avoir un livre. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, des arbres? Comment tu vas dans ma toilette tout de suite, tu vas avoir Wired, tu vas avoir deux magazines de Windows, laptop. Il n'y a pas de porn. Parce que ça, maintenant, le porn, ça va sur le cellulaire, André. Ça va savoir ça maintenant. Non, non, ça va aussi dans ta console de jeu portative avant que tu trade. Oh my God. C'est pas fuck les arbres, c'est plus... J'aime avoir mon contenu. L'odeur dans du papier. Non, mais moi, t'as eu une conscience écolo à retardement. En passant, non, pas fuck les arbres. Mais en voulant dire, j'aime avoir mon livre à moi, y toucher, le pouvoir le traîner dans mon lit, le regarder, décrocher mon ordinateur, décrocher d'une affaire qui est électrique. Là. Pas un écran de lumière dans la face. Non, mais on s'entend en plus dans le lit, un laptop, là, ça chauffe les couilles. Là. Ouais. Ben, il y a ça, ouais. Ça donne le cancer des couilles, tout le monde sait ça. Ouais. Mais tout ça pour dire que j'avais aucune idée que ce jeu-là s'en venait. OK. J'avais aucunement suivi le développement de ce jeu-là comme que j'ai tant fait dans mon passé. Puis j'ai vu deux, trois bonnes critiques. Puis j'ai vu, en fait, c'est drôle, j'ai vu, il y a GameSpot TV sur Xbox Live maintenant. Puis j'ai vu la critique de ce GameSpot TV. Je me suis dit, tu sais quoi, ce jeu-là, il a l'air hot. J'ai commencé ce jeu-là, puis c'est peut-être un des meilleurs jeux que j'ai cassé. Je me suis fait pogner. Pour ceux qui ne sont pas présents, je viens vraiment de me tasser du micro pour prendre un respire et renifler. Donc, je vais faire un chocolate rain. En tout cas, je pourrais pas le recommander plus. Là. S'il y a des gens... C'est parce que l'affaire qui est arrivée, c'est que je savais pas de d'où ça sortait. Puis j'ai commencé à jouer le jeu. Puis de un, j'étais comme, Chris, ça me fait penser à Thief, ce jeu-là. Ouais, ouais. Non. Ça, là, c'est du Thief gars qui fait, tout craché. Ben, c'est ça que moi là, il y avait Thief qui avait sorti de nulle part. Puis je le sentais, j'étais en train de jouer, j'ai dit, Christy, c'est donc ben, c'est un jeu de stealth, c'est un jeu d'assassin. Moi, je pensais que c'était un RPG dans post-apocalyptique. Puis j'avais aucune idée c'était quoi. Puis là, je vois, je suis en train de faire des assassinations, je suis en train de me cacher. J'avais de la manière que mon gars, il y avait un crossbow tout de suite. Le style artistique, tu te rends compte qu'il y a vraiment un style artistique écœurant. Là. Tu parques à une place, puis tu te jurais que c'était une peinture à l'eau partout. C'est vraiment bien fait. Puis là, c'est ça. Après ça, quand j'ai vérifié, ben le studio Arkane Studios, ben t'as des gars de Looking Glass là-dedans. C'était du monde qui ont travaillé sous Warren Spector dans le temps de System Shock. Ben Warren Spector, c'est System Shock, c'est Looking Glass Studios, Thief. Bioshock, c'est vu comme une suite de ça. Évidemment, tu vas être déçu, mais quand t'as dit Warren Spector, je sais pas pourquoi, puis je suis carrément dans le champ. Mickey? Non, j'ai pensé Daikatana, puis j'ai fait comme c'est pas le... Non, mais Daikatana, c'est pas Warren Spector, ça. Daikatana, c'est l'autre fucké là, de Quake 2. C'est là, c'était un rockstar de jeux vidéo. Daikatana, c'est un gros coup de marketing, puis un jeu qui wow. Puis le nom m'échappe de champion, c'était le Sidekick, c'était des gars des id Software, ça. C'était un des premiers d'id Software. Mais c'est parce que c'est Ion Studios, je pense, parce que c'est ça qui te mélange. Puis Warren Spector, c'était Ion Studios. Ion Studios. Mais non, c'est bien mieux que Daikatana Dishonored. Écoute, je pense que honnêtement, Jazz Jack Rabbit était meilleur que Daikatana. Eh hey, ben, Cliff Bleszinski est bien d'accord avec toi. Ça, c'était Epic Games, ça. Hey, en parlant d'actualité par rapport, mais il a quitté Epic Games dernièrement. Ouais. Il est parti à son compte, là, ou... Ben, il est parti à son compte. Il y a plein de théories qui circulent alentour de ça, mais je pense qu'il est parti face à... En tout cas, il est parti pour une vacance. Le gars, il est là depuis quel âge? 15-16 ans. Comment c'est là? Regarde, écoute. Hey, on s'entend Jazz Jack Rabbit, là. J'avais des disquettes de shareware achetées au dépanneur du coin de chez nous, là, à 2,99. Des fois, t'avais des disquettes qui venaient avec des magazines là-dedans. Ouais, c'était cool, ça. PC Mag. Puis là, t'avais tout le temps les jeunes voyous du coin qui achetaient pas les revues, mais qui piquaient les disquettes. Ouais. Ben, ils ont fait ça après pendant un bout. Même au début d'Xbox 360, là, il y avait les magazines, ouais. Puis il y avait des CD avec des démos dessus. C'était les mêmes démos que tu pouvais downloader. Et puis t'étais-tu content de tomber sur un bon démo, là? Hey, ouais. Ouais. Ben, quand, puis... T'as 15-20 démos sur le CD. C'est même sur le vieux Xbox, là, dans le fond, là, t'achetais ça vers la fin. Là. PlayStation, il y en avait des de même. 3DO, il venait quand tu l'achetais. Il y avait des démos disques de Panasonic. Ouais. Ah, c'était vraiment ça, c'était cool, du bon ça. Stock, ça. Mais en parlant de bons démos, puis en tout cas, Dishonored, je le suggère à n'importe qui. Tu vas parler de Forza, toi, là. Ouais. Tes yeux viennent d'être illuminés, là. Ça n'a pas de sens, de Forza. Ouais. Pour ceux qui me connaissent, je suis un fanatique de jeux de char. Je ne suis pas le gars qui capte toutes mes gamer score d'achievement. Mais s'il y en a que j'ai haut, c'est tout le temps des jeux de char. Puis Forza Horizon, waouh, quel jeu cool. C'est quoi ils ont changé un peu de direction avec la franchise? Ben, tu sens que c'est un jeu qui a été pitché à Microsoft dans un autre contexte. Pitché, on parle de quelqu'un qui est venu de le vendre. Ben, c'est ça, le studio Playground Games, quelque chose comme ça. J'oublie le nom du studio, mais c'est tout du monde. Ça, c'est des gars qui sortaient de Bizarre Studios qui ont fait Project Gotham Racing. C'était du monde qui ont quitté Codemasters, qui sont reconnus pour les jeux de course de Codemasters qu'on connaît tous, Dirt, toute cette gang-là. Tu peux aller loin en plus des PlayStation. Mais tu sens qu'ils ont pitché un jeu, que ça soit une suite à Project Gotham qui a pas fonctionné. Avec l'engin de Forza, dans le fond? Non, c'est un engin complètement différent, ça. Puis ça ressemble beaucoup à les jeux comme Dirt et tout ça, là, le style du menu, mais le jeu, il est bon. Le démo, c'est un démo qui va durer des heures, puis oh my god, je me suis... Juste donner un exemple, il y a une course là, où c'est Mustang contre Mustang, puis je vous niaise pas, c'est une Mustang de 67 contre une P-51 Mustang, un avion. Puis la manière que ça marche, c'est que t'es en train de courser, puis en coursant à chaque checkpoint, t'as l'avion, puis toi, qu'il faut qu'il arrive au même temps au checkpoint. Puis l'avion, lui, il faut qu'il fasse un tour, puis éventuellement au checkpoint. Mais quand tu joues ça avec le son dans le tapis, puis t'es dedans, à chaque fois que la P51 passe par-dessus toi, ça tremble au bout, le son est écœurant. Puis c'est un gros open world, puis en tout cas. Puis c'est un démo que tu peux jouer pour longtemps. Open world, j'aime ça en partant, là, mais jeu de char, là. Ah, J'haïs ça là, tellement. Mais t'aimes les open world où on marche, toi, c'est ça? Mais open world, soit qu'on marche, non, mais tu sais, les sandbox, genre, les affaires. Oh, ouais. Mais c'était quoi le jeu Burnout, là? Que ah, Burnout Paradise. Ça, ils ont buffé. Ben, ils ont essayé quelque chose de différent, mais ils l'ont buffé un peu. Open world un peu. Je trouvais le concept cool, mais j'haïs tellement les jeux de char que je joue jamais à ça, que je m'informe pas, tu sais, fait J'ai même pas pourquoi ils ont fait ça dans Burnout. Il y avait tellement une formule gagnante là. Chris met un crash mode, mon open world. Maintenant ils ont tout. Le pire c'est que Burnout en plus là, quand ils avaient sorti Takedown, ils nous avaient sorti tellement une bombe, mais une bombe brute là. Ma femme a joué à ce jeu-là. Hey, Burnout. Takedown, là, my god, j'en jubile à en parler, mais c'était le genre de jeu que n'importe quel cave ou con ou peu importe qui avait jamais joué à une manette. Wow, joué à une manette. Jouer un jeu vidéo qui n'avait jamais pris une manette. J'ai comme trop d'idées dans la tête. Je suis en train de capoter. Le soundtrack était mongol. Il donnait le goût de jouer. Les graphiques étaient fous. Le gameplay était juste des... Hey, les crash courses où tu partais, il fallait juste que tu scrapes le trafic. Ça, là, j'en ai... Même moi, il y a eu les jeux de charge, j'ai joué. Ouais, ça, tout le monde a aimé ça. Tellement bon, là. Puis eux autres, là, tu vois, j'étais content quand ils ont repris Need for Speed. Ils ont fait un Need for Speed, la game de Criterion. J'étais content de ça. J'ai trippé. Parce qu'enfin, il y avait des vrais chars. Oui, quand ils ont annoncé qu'ils étaient pour s'embarquer là-dessus. Hein. Oui, c'est sûr. Excellent. Ben écoutez, concernant les jeux vidéo, de mon côté, ces temps-ci, ben je suis tombé sur un vieux classique qui s'est fait un facelift. Pour ceux qui me connaissent, je suis un tripeux de XCOM. Ah, tout en bas. XCOM qui était sorti en 94. J'ai quasiment acheté. Hey, j'étais tellement proche de l'acheter. Il paraît que c'est une belle surprise. Moi, je l'ai pas vu. Hey, mais ça monde s'attendait pas à ça. Puis il était carré. C'est super facile en plus. Pour les gens qui visitent le groupe, puis pour les gens qui nous connaissent aussi, les gens, ces temps-ci, on parle un peu des remakes, puis des reboots, des choses comme ça. XCOM, c'est la. C'est pas une suite logique parce que c'est la même histoire, mais c'est tellement bien réalisé, c'est bien rendu. Moi, j'ai pris au PC, puis. Pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment pas PC gamer. C'est juste que là, c'était la nostalgie. J'ai commencé au PC, des choses comme ça. Les contrôles sont parfaits. L'histoire, il n'y en avait pas vraiment, mais là, il y en a une petite. Toute la manière qu'on joue. Écoute, on contrôle une armée, on se bat contre les aliens. Il y a du financement, du ci, du ça. J'ai capoté bien raide. Puis c'est du crack pour moi. Je suis pas capable de décrocher. J'en ai perdu des heures de sommeil. Mais tellement une belle surprise, tu sais. Autant que j'ai à Borderlands 2, Dishonored sort, tout le monde. Hey, t'as-tu joué à Dishonored? Non, t'as peu. Je suis sur XCOM. Puis le monde me regarde, puis, ben, OK, XCOM. J'ai quasiment fait le Switch aussi, mais j'ai tout été. Essayez le démo. Essayez honnêtement le démo, puis sinon, ça vaut la peine. Le nombre d'heures qu'on peut investir là-dedans, c'est génial. Puis ils ont mis un mode Iron Man dedans où on a une save game, on peut pas avoir plusieurs save games, puis chaque choix qu'on fait, ben, on vit avec, là. Puis c'est à partir de maintenant. Puis ça, c'est tout un défi. J'ai commencé ma game là-dessus. Puis, tu sais, t'as un soldat que t'entraînes, il meurt, quelque chose de même. Puis là, bon, OK, il est juste plus là. Faut que je deal avec. Faut que je l'entraîne d'autres, des recrues, des choses comme ça. C'est génial. Là. J'ai vraiment le goût de l'essayer. J'étais à un brin de l'acheter cette semaine. Puis après ça, j'ai réalisé que mon budget ne me le permettait pas. Mais, my God, que ce jeu-là, il y a de la cause. C'est-tu moi ou ils ont moffé le supposément first person qui était pas faire d'XCOM? Ben, écoute. Ou ils ont teasé le jeu en le faisant avoir de l'air d'un. The first person, ils l'ont reporté. Tu sais, il avait fait une ambiance un peu, puis ça m'avait rendu nerveux. Je me rappelle au E3, il y a 2 ans, ils nous avaient présenté ça, on avait vu les screenshots, les affaires dans le même, on avait vu un peu de gameplay, puis il y avait une ambiance un peu 50s noir, bizarre. Les aliens, c'était rendu des flaques d'encre noire, puis... Moi, j'avais pas embarqué tant que ça. Je me suis dit, par contre, je vais attendre, on va voir ce que ça va donner. Un first-person shooter m'intéressait. Mais je suis content, par contre, qu'il ait ressorti le remake en premier. Tu sais, c'est up-to-date, c'est mais parce qu'ils ont annoncé le shooter avant le remake du... Parce que là, tout le monde était comme, ils sont en train de fucker la série avec un shooter à place, puis... Ça roule sur l'engin Unreal en passant. Fait que ce qui est bien, là, c'est que... Tout rentre sur Dishonored, c'est sur l'Unreal aussi. Je pense que je l'ai vu partout, là. Unreal, c'est ça partout. Hein, puis le monde maîtrise très bien l'engin. Non, mais ben, ce qui est le fun, c'est que ça prend pas une grosse machine non plus. C'est bien maîtrisé. Mais il l'a pas sur Xbox, je pense. Oui, il l'a sur Xbox, sur PS3 aussi également. Puis apparemment que les contrôles... PC, là, comment tu parles, ben, c'est ça, mais les contrôles apparemment qui sont vraiment géniaux. Là. Okay. On a eu cette semaine aussi... pour ceux que j'ai harcelé sur Facebook, je m'excuse d'avance, j'étais peut-être un petit peu trop enthousiasmé, mais on a eu M. Baumgartner qui s'est sacré dans le vide, carrément, qui nous a fait vivre beaucoup, beaucoup d'attentes. Je travaillais, j'ai tout manqué l'expérience. Mais le pire, c'est que, tu sais, moi, comment je l'ai vécu, OK? Moi, j'étais prêt à l'écouter le lundi, là, j'ai pas pu, j'ai eu des rénovations, des choses comme ça. Je suis arrivé, puis je l'ai écouté live. Mais je l'ai écouté live via le web sur une télé. Puis j'avais mon laptop sur moi à me chauffer les couilles. Puis ce qui m'a plu puis ce qui m'a déplu, c'est que c'est un moment pour moi. Moi, je qualifie ça, c'est l'Apollo 11 de notre génération. Tu sais, c'est pas comparable à 100 000 à l'heure. Mais ce qui est cool, c'est que c'est la seule affaire qu'on a qui se rapproche. My God! On a vu un robot atterrir sur Mars l'autre jour. Ben c'est ça, mais c'est ça que je t'ai dit, mais c'est un robot, c'est pas un humain. C'est le Red Bull. Hey, là, ben... Un robot, okay, c'est si un robot commandité par Red Bull. Non, non, mais écoute... On va en parler. Mais je pense que t'apportes... Ben, suis ça, là, l'atterrissage. Je l'ai suivi aussi, mais je pense que c'est l'aspect humain du fait du gars qui va faire un saut de la stratosphère qui est venu me rechercher un peu plus. Tu sais, c'était un humain, c'était quelqu'un, ben, c'était physique. Je te donne c'était... ça, mais... Okay. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même, regarde, la mission à Mars, là, c'était... Il y avait un suspense. De, combien de monde... Puis moi, on s'entend que le suspense, c'est « vas-tu mourir? Ben, » Ben, c'est sûr. Le monde sont mystifiés par le danger. Puis regarde, moi, là, pendant ce temps-là, c'était quoi? C'était dimanche, ça, dans le fond? Ouais. C'est ça. Fait que je travaillais pas. J'avais mon kid, que son ami était venu. Fait que là, il y avait deux petits gars de 9 ans, primés, là, qui regardaient ça, là. Puis pendant 3 heures de temps qu'ils montaient, là, la seule affaire que j'entendais, c'était « vas-tu mourir? » C'est sûr qu'il meurt. Mais tu vois, regarde, ça apporte une dimension popée, puis ça apporte un autre problème. Ils l'ont écouté en groupe, avait au moins une personne qui constamment était là, dans le coin, puis il va mourir. Puis c'est pour ça aussi que sur Twitter puis sur Facebook, il y avait toujours... Tu sais, il y a toujours un cave qui fait des jokes morbides. Sur l'Internet, c'est correct. C'est correct. Je suis un peu de même. Moi, quand quelqu'un meurt, là, je suis le premier. Quand Whitney Houston est morte, là, je suis le premier qui est allé pogner une photo là, de quelqu'un d'autre qui ressemble. Là. C'est qui j'avais pogné? Une chanteuse. Amy Winehouse, ça. Non, pas Amy. En tout cas, c'était quelqu'un. Là, c'était mais à la limite, faire des jokes, c'est pas si pire, mais c'est juste pendant qu'il montait. Tu sais, ayez le respect un peu. Le gars est en train de monter, t'inquiète, puis tu vois juste ça sur le web. Il va mourir. Ah, il va exploser. Il va arriver telle affaire. Oh. Mais leçon numéro un, focus pas trop sur ce qui se passe sur Internet. Non, mais c'est sûr. Direct. Mais où je vais en venir avec ça, ce qui était cool, élections? C'est que son wingman, le gars qui avait le record, tu sais, comme je pense que c'est la chute libre la plus longue, 4 minutes 36, quelque chose de même. Ils ont fait la conférence de presse après. Puis JK, à la fin de la conférence de presse, il dit à tous ceux qui ont dit qu'ils étaient pour exploser quand ils fracassaient le mur du son ou peu importe, t'as quitté. Il dit « I'd like to give you guys the one finger salute ». Autrement dit, il dit « Fuck you toute la gang qui ont dit tout le long que le gars, il est en train de risquer sa vie, il monte en haut, il s'en va faire quelque chose de quand même historique pis de cool. Vous dites qu'il va mourir, vous dites qu'il va se péter à gueule, vous dites qu'il va... » Mais ce monde-là, ils vont dire aussi « On y a pas demandé d'aller là. » Puis il y en a d'autres qui vont dire « Fuck you, c'est Red Bull. » C'est de la pub. Mais ça, c'est une autre connerie aussi. Éric, toi qui es un gros tripeux de NASA puis qui a de la bière dans la bouche présentement, prends le temps de... Un gros tripeux de Red Bull. On le met sur le spot demain. Les joies du live. Éric, est-ce que NASA aurait eu du financement pour payer ça? Ben NASA, ils se font déjà financer. Ben, ils font pas du financement, mais NASA, ils touchent dans le privé maintenant. OK, ils touchent dans le privé. Mais est-ce qu'ils auraient embarqué dans une expérience comme ça? Oui, mais en fait, là, en ce moment, ils sont en train de figurer des manières de faire des... Mais c'est quoi, tu voulais-tu que je dise ça? Non, mais en fait, je voulais que tu dises vraiment ton opinion, puis parce que t'es comme le gourou là-dessus. Là. Le système de aérospatial aux États-Unis commence à aller un peu en deux vitesses. Il essaie de figurer une manière de rentrer le privé. Okay. Avec le public. Essaye de figurer. Fait qu'autrement dit, lui, il aurait voulu faire déjà, son... Là, en ce moment, là, le ravitaillement qui se fait de la station spatiale, là, c'est un contrat privé, ça. OK. Ça, c'est ça a été créé par... Ça a commencé par XPRIZE, puis... Puis lui, il aurait dit à NASA, moi, je veux me crisser en bas de la stratosphère, payez-vous. Ah, tu veux dire pour ça? Ouais, pour ça. Je pense pas, non. Okay. Mais il aurait supporté. OK. Il aurait sûrement envoyé un spécialiste ou deux. OK. Puis là, mettons que c'est l'inverse. Mettons que lui, il le fait, puis ça a été payé par Red Bull, mais toute l'information qu'il a recueillie, puis ça s'en va à NASA après. Ah oui, oui, mais oui, c'est sûr. OK, OK. Fait que mettons que c'est écrit Zenith puis Red Bull and couple de place. Puis mettons que Red Bull le diffuse sur le web gratuit pour que tout le monde puisse en bénéficier. OK. Fait que qu'est-ce qu'il y a de si evil là-dedans que Red Bull ait payé l'événement? Qu'est-ce qu'il y a d'evil, c'est qu'il y a du monde, il y a trop de monde qui pense que les corporations, c'est la fin de tout. OK. Ils ne savent pas que si on les gère bien. Si Apple aurait payé l'événement, est-ce que le monde aurait capoté tant que ça sur Twitter? Ou... Hey, Apple, let's go. Hey, Potter, let's go. Joué, très bien joué. Non, mais c'est la même espèce d'affaire. C'est ça l'affaire. Là. Ouais. C'est que c'est... On s'en fout. Là. Faut que ça soit bien géré. Faut pas que ça soit trop... Parce que c'est ça qui se passe en ce moment avec les programmes spatiales puis avec bien des affaires d'autres sur la planète, c'est qu'on essaie de figurer une manière de... Ben, c'est du deux vitesses pas mal partout. Ça, oui, mais faut que tu te balances bien. Ah, oui. Tu peux pas le laisser trop prendre de place. Tu peux pas laisser le gouvernement être trop out of control non plus parce qu'on est quand même, nous, comme Canadiens Québécois, on est très socialistes aussi. Fait qu'on veut pas que ça tombe trop là-dessus. Mais ça commence à sonner étrangement comme quelqu'un qui parle politique sur le podcast. Mais aussi, shit, excuse. Ça, c'est pas politique, ça, c'est real life. Le monde, c'est aussi, utilise ton jugement. Moi, je vois ça comme « Ah, check, cette compagnie-là donne plein de cash pour que moi, je sois ici, gratis. » C'est ça. Peu importe que ça soit Red Bull pour le show de l'autre gars ou bien un festival de quelque chose que je vois que, mettons, je rentre gratis. Moi, ce que j'ai plein de commandites de quelque chose. C'est les seuls qui ont pu. Oui, oui, j'ai jamais été influencé. Ce que je trouvais vraiment intéressant, là, c'était la gang de monde sur Twitter, justement. Le gars, il va faire un saut de 56 km sponsorisé par Red Bull. C'est de la merde, Red Bull. 56 km pour vrai, premièrement. Deuxièmement, payé par Red Bull, c'est de la merde, tabarnak, ils ont embarqué, blablabla. T'avais la gang qui chiolait. Le gars, il jump, ça fait des années que le gars, un de ses commanditaires, est Red Bull. OK, gars, là, il l'a envoyé dans l'espace, c'est remarquable, ça n'a pas vraiment de précédent. Sauf que d'un autre côté, regarde, lui, il s'est sacré en bas du Jésus à Sao Paulo, je sais pas trop quoi, ou... Tu sais, regarde, il y avait encore son parachute Red Bull, il y avait encore son sac à dos Red Bull. Mais si tu veux vraiment qu'on aille dans le tunnel de la discussion que tu es en train de commencer, je te donne la bienvenue, mais on embarque là-dedans, puis ciao le Geek Collectif pour ce soir, parce qu'il y en a beaucoup à dire là-dessus. Là. Mais en gros, c'est juste que je trouvais ça un peu, tu sais, Debbie Downer. Ils savent même pas combien de choses qui leur aident au niveau de la privatisation, tout ça, parce qu'il n'y a pas du méchant là-dedans. Mais non. Mais c'est sûr qu'il peut avoir des méchants dans tout. C'est ça, ben ça va. C'est comme tu peux pas te freaker là-dessus. Puis moi, je suis pour que le fait qu'on ait des corpos puis du financement privé qui peut aider à financer des voyages comme ça, là, ça veut dire qu'on a du progrès qui se passe en ce moment. Ça, là. Ça veut dire qu'on peut décentraliser un petit peu les gouvernements de financer d'autres choses. Puis quand tu as des personnes assez riches pour financer des choses comme ça, là, ça veut dire qu'on s'en va du bon train. Ça veut surtout dire qu'on a pris quelqu'un, on l'a envoyé 120 000 pieds dans les airs, puis on l'a sacré en bas d'une capsule avec un parachute puis un saut spatial qui est atterri, sain et sauf. Honnêtement, ça nous a produit cool, plein de mimes. Hey, c'est juste cool. Puis ça, c'était comme mon dimanche. Ouais, ben c'est du facile. Mais gars, la seule de Titanic, là. La meilleure, c'est celui avec le gars d'Assassin's Creed. Qui faisait le Leap of Faith, là. Ça, c'était quand même bien fait. Ah, mais l'image, quand il s'est pitché, le chat, j'avais mis sur le bol. Ah, le chat était quand même cool, celui-là. Non, avec ses pitchés en bas. Mesdames et messieurs, on a fait l'actualité. On a fait certains name drops. On n'a pas fait l'actualité, Mélanie. Et le smell. Ton actualité. Moi, mais ça, en fait, c'est pas super actuel. C'est pas passé cette semaine. C'est quelqu'un qui est sorti de l'espace? Hein? Personne qui est sorti de l'espace? Bon, en tout cas, à part celui-là, on connaît pas rien. S'il y en a un autre... Non, c'est ça. Good job. Moi, je vais parler de l'update iOS 6 parce qu'elle me le fend le cul. Les maps sont cool. Ouais. Vraiment cool. Non, mais les maps sont quand cool. Quand on n'amène pas dans un ravin. Non, moi je te parle pas du GPS. Troll. Non, wow, je parle pas de la guide. Je parle de la map 3D. Ouais, la 3D. Double troll. C'est pas parce que toi, t'as pas un iPhone non plus. Donc. Ma femme, elle a un iPhone. Ok, bon. Elle l'aime-tu? Tu regardes je vends des iPhones. Ouais, moi j'en ai Best Buy puis je troll avec des iPhones. Ouais, ça. Hey boy. Un jour, on va faire un spécial de Eric trollage de clients dans une compagnie que j'ai déjà travaillé pour. Entre, on continue. Bref. Non. Ah, je sais quoi vous parlez. Fait que t'aimes pas ton update iOS 6. Le gars de la batterie. La batterie, c'est... sans mots. Des sans mots? T'es vraiment ému. Ouais, c'est ça. Ému, non, mais faut... C'est un grand cœur, là. Vous comprenez pas, là. C'est... Mon iPhone, je chargeais... En 24 heures, je chargeais deux fois. Maintenant, je charge 3-4 fois. Attends, deux fois en 24 heures? Ouais. Moi aussi. Mais voyons donc! Hey man, ça baisse vite. Moi, je sais pas. Moi, je l'ai pas chargé, ça fait 3 jours, mon Nokia. C'est 6 fois ce que c'était, là. Je capote, là. Chaque fois, je m'assis en quelque part, là. Moi, qui ai un ordi, là, je le bloque. Je monte en haut. Ouais, mais ça, vous savez que si vous le laissez pas se décharger, une fois de temps en temps, ça va se craper. Il est déchargé jusqu'au bout à 2 heures. Ah, mais c'est sûr que vous êtes quand même un peu. C'est quoi le mot? Un peu tout le temps sur fucking Internet avec vos téléphones. Mais il n'y a pas une fonction qui est active en ce moment qui est en train de causer ça, par chance? Non, t'as vérifié tout ça? Je suis tout au courant de ce qui baisse. T'as Google searché tout ça à fond, là? Elle descendait. L'éclairage, tu baisses la luminosité de ton écran, tu fermes le Bluetooth, tu fermes le Wi-Fi. Fait que dans le fond, tu réponds au téléphone quand il sonne, puis tu fais rien d'autre, puis la batterie à toffe, là. Même pas. Je vais le laisser là pendant. Je le charge, j'étais à 100%, je le laisse. Peux-tu voir ton téléphone? Il y a une chose, par exemple, maintenant qui a changé, si je me trompe pas. Disons pas le desktop. Là. Hey Siri, pourquoi que je décharge Calis? Tu penses pas trop mal, elle comprendra pas. Ah, ben c'est français ou? Ouais, même français. Je parle. Ah, elle est mutée. Oh, ouais, ok. Hey, comment qu'elle a appelé Calis? Elle a mis quelque chose. Is Hey Siri play das the classiest? Non. Classiest! Mais elle, là, cette bitch-là, là, elle est en train de tuer ta batterie. Ok, attends, fait que Siri. Même avant l'update, c'était. T'es-tu en train de me dire que j'ai ça sur mon téléphone? Tu savais pas que t'avais Siri? Moi, j'ai un 4, je pense. Mais t'as fait l'update d'iOS? Oui. Mais l'update, il a pas fait l'update, lui. Je l'ai fait. Mais Siri est pas là. Mesdames et messieurs, pour le plaisir de nos auditeurs, je vous demanderai d'arrêter de cogner sur la table, s'il vous plaît. Excuse Siri, nous a... Je vais aller faire mes updates. Ben ouais, fais tes updates, ta batterie va te faire encore moins longtemps. Après. Ouais, ouais, ben si ta batterie a décharge depuis l'update, si tu l'as pas. Ben je l'ai fait. Lui, sa batterie est juste en train de décharger tout court. C'est à cause de son porn. Ouais, j'ai sûrement pas activé. Tu m'activeras ça. Ok, fait que là, en gros, le iOS 6, là, qu'est-ce que ça t'a donné de plus? Ben, ça m'a donné un Mac qui marche pas. Ok. Siri qui parle. Siri qui comprend pas. Non, ça donne un map que... Hey, je veux ça, moi, cette affaire-là. André fait un signe de pas rien s'attendre, mais ça faisait un signe différent. Donc, c'est spécial. Fap. Ouais. Donc, ouais. Non, mais tout ça pour dire, le map, avant, c'était... Non, mais t'avais une fonction aussi, là, que t'étais toute contente de nous la montrer la dernière fois, là. T'as fait comme « Check ça, iOS 6, je peux ne pas répondre au téléphone puis envoyer un message texte. » C'est la seule affaire cool à date, parce que le map, ça vaut pas de la mort. André est en train de juste attendre pour dire comment Android est cool en ce moment. C'est ça qu'il veut faire. Même pas. J'ai juste un gros sourire dans la face. T'as-tu une Siri, moi, je l'ai sur mon Windows Phone, me dire. Non, mais gars, j'ai-tu une Siri sur mon téléphone, moi? Attends une minute. Tu lui demandais des affaires, puis elle te répond, là. C'est quoi la température à San Francisco? Who cares? On est ici. Attends. Sick, what about that sort of San Francisco? OK, mon téléphone est en anglais. Un instant. Puis je vais faire mon frais. Un instant. Je me rends compte qu'on a beaucoup trop de téléphones. Siri, find me a prostitute. Oh. Siri. Pourquoi Siri lit dans nos pensées? Parce qu'elle cherche un maudit. Hey, écoute, on était à Oma, là. Les gars, vous êtes tous gâchés parce que vous parlez. Arrêtez de parler. Okay. 30 secondes. Elle veut trouver ça. Non, mais c'est parce qu'on est proche de Sainte-Catherine. Attends. Elle veut nous montrer comment est-ce qu'il est politically correct, Siri. Siri, find me an escort. Pèse le bouton. Find me an escort. J'arrête de parler. Là, taisez-vous. Elle cherche le web pour toi. Pendant ce temps, sur Google. Moi, je veux... Find me an escort as shit. Okay. Je pense qu'on peut arrêter ça là. Non, là, je vais vous l'expliquer jusqu'au bout. Vous okay. arrêtez de parler. Ok. Okay. Siri, find me an escort. I don't know what that means. Hey, tu me niaises? Pourtant, un escort, c'est à quatre portes, plein de rouille. Puis. C'est ça, à penser une Ford. Siri, find me an escort. This escort service is a little ways from you. Oh! Voilà, donc pour du bon temps, mesdames et messieurs, 2021 Avenue Atwater. 10 secondes. Bing, find me an escort. Bing? C'est quoi? Qui sert de Bing? Ah, moi aussi, j'ai actuellement une escort qui s'appelle Camilla Bing à Boston. Ok, tapeur là, bon, on va le faire pour vrai là. Fallait pas que je dise Bing, moi c'est ça, je me suis rendu compte, mais je vais juste faire le point que moi je faisais une Bing search. Find me an escort. C'est ça qu'il a rien trouvé aussi, quand t'es envoyé à Boston. Cassandra Bing. C'est ça, Camilla Bing. Camilla. Fait que là, il est en train de chercher. Je vais checker sur le journal, dans le journal. Le monde qui n'a pas Siri sur son téléphone. L'update, c'est la seule bonne affaire qu'il y a eu la OS 6, que moi je trouve à date. Vous trouvez des escorts? Siri s'est beaucoup amélioré, parce qu'avant, tu parlais, puis elle comprenait absolument. Better than escorts, ashleymadison.com, where to find hot escorts topics. I'm 22 years old, I'm an escort, and my boyfriend has... Ouais, ça, c'est Ashley Madison, là, ça n'a rien à voir. Là. Ashley Madison, non, mais c'est Google, là, de mes amis. Ashley Madison, c'est un site de trichage, si je ne me trompe pas. Ça. Ok, mais trichage. Moi, en tout cas, pour conclure que Siri, elle m'a donné une vraie adresse qui est proche d'ici. Donc, c'est quand même cool. Fait que dans 30 non, secondes, mais que tu n'as plus de batterie, on va s'en rappeler. Pas pour être chier, là. Là, après, quoi, tu vas cogner chaque personne. Pas pour être chier, là, regarde. Tu dis que tu étais un escort. Non, c'est une agence. Moi, je vais les régler sans dire Bing, là, mais tu étais à Chicago Maisonneuve. Fait que c'est bien simple, tu fais ça ici. Search Voice. Massage parlor. Ben oui. C'est ça le mot magique. Ben oui. Place à massage. Oh my god. Massage. En fait, tu sais quoi le premier search ça m'a donné local? Le Hare Krishna Temple qui est juste si tu peux. Fait que je vais rentrer dans le Hare Krishna. Full service massage, please. Donc. Juste essayer de. Ok, dernière affaire pour Mélanie. Puis après ça, on enchaîne avec un podcast. Spécial Siri. C'est ça. On fera des contests avec des vidéos. Puis. Vas-tu me cacher un corps quand tu tues quelqu'un? Where can I hide the body? Non, attends, on va commencer. Where to hide a dead body? How do I hide a dead body? Where do I hide? Oh my god. What if it snowed in San Francisco? On va commencer dans la fucking. Where do I hide the body I just killed? Il appelle le 911. Descente pendant I'd rather not say. I'd rather not say. Hey, a quand même conscience, Siri. Hein? Pendant ce temps-là, ça texte une place spéciale. Ça te locate via GPS. Bon. Fait qu'aujourd'hui, on va tomber dans le vif du sujet. On a fait de l'actualité. On a fait un simili. Non, on a-tu fait le name drop cette semaine? On est rendu à. Ben, moi, j'ai nommé Israël des. Des geekers tantôt, là, pendant mon... Mais je pense que tu voulais... C'est pas vraiment mon name drop officiel. Tu voulais faire un name drop officiel cette semaine. Ben, moi, mon officiel, là, c'est que j'ai écouté Rétro Nouveau, épisode 36, Double Dragon. Puis t'es allé l'acheter, ou... Je m'en vais l'acheter, là, j'attends fin de semaine. J'ai juste pas eu le goût. J'ai fini l'épisode tantôt en travaillant, là. Puis, gars, ils m'ont ramené ça, la nostalgie, là. Fait que mon shout-out au gars de Rétro Nouveau, là. C'est vrai qu'il faut me convaincre à gaspiller. Ben, OK, un bon gaspillage de... Double Dragon. On dit un investissement dans ce temps-là. Ouais, le mien, il y a de la cool, ouais. Mais, gars, moi, j'étais pas sûr. Je trouvais qu'il y avait de la cool. J'ai écouté, c'est Bruno qui en a parlé. Gars, je suis vendu, là, Moi, j'ai une encore une meilleure idée, si tu veux. Là. J'ai Double Dragon Arcade Original, là, qui est juste dans mon Xbox, si tu veux jouer. Ouais, mais chez nous... C'est quoi le meilleur moment de Double Dragon dans le temps? Quand ils ont fait le merger avec Battletoads? Non, ben à part de ça, c'était épique. Dans l'arcade, c'était quoi le meilleur... Moi, je sais pas si on a déjà parlé de ça. T'as le boss à la fin avec la mitraillette, puis qu'après tu le tues, puis t'arrives, puis qu'il faut que tu battes ton frère. Hey, wow, tapeur, là. Spoiler. Non, je déconne. Le spoiler, là, c'est quand t'es de ton trou. Troisième 25 sous avec ton chum, ça fait 4 jours que vous êtes dans le lot de Fictionary. Troisième 25 sous après 4 jours, man. Dude, man. Ben, on était rendu. Il n'y a pas de next, t'as rien. Bleu, là. Moi, mais quand t'es rendu à la fin, là, puis ça fait des 2-3 jours avec ton chum là, que vous êtes vraiment dans le moment arcade à battre ce jeu-là. Puis là, à la fin, t'es carrément ensemble, vous allez high five. Yes, on a battu le jeu, high five. Non. Là, ben ça, tu vois, shit, c'est la blonde à qui, finalement, ça. C'est le premier Devil's Threesome de l'histoire du jeu vidéo, ça? Tu pourrais quasiment dire que c'est le premier. Mais dans le fond, je sais pas. Elle est vraiment bitch, là. La blonde, tu sais, ouais. Ça dépend, en tout cas. Il y a dans l'épisode. C'est comme. T'as peur. Non, ça dépend. Moi, je la trouve pas si bitch que ça. Pas si pire que ça, tu sais. Mais. Elle méritait le coup de poing au début, ça, c'est sûr. Elle dit de quoi de pas correct. T'as peur. Ça start avec une femme qui se fait battre, c'est un jeu des années 80. Le gros coup de poing dans le gut, le pow, puis il se fait mettre dessus la scène. Si tu veux rajouter à ta haine, quand tu joues au jeu pour dire je vais le battre, le gars, tu t'imagines qu'elle est enceinte. Mais là, quand t'arrives à la fin. De qui qui est enceinte? Quel frère avec sa petite boule? Le Maury Povich, il sort. Ryu Hayabusa, man. Mais tu sais, ça rajoute. Ah, oh, si elle est enceinte, puis elle prend le genre de vente, même si c'est pas vrai. Tu le sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Cool. Je suis content d'entendre ça. Ben, ce qui est cool, c'est qu'effectivement, Rétro Nouveau regarde. J'ai écouté des vidéos podcasts, par exemple, parler d'un arcade pour les iPads, des choses comme ça. Puis sont, je écoute pas les vidéos, je t'en charge. Ils connaissent leur stuff, les gars, puis ils ont un bon parler. Puis ton name drop, je pense qu'il est très pertinent. C'est quand même cool. Fait qu'à ce moment-là, on va les saluer, puis on va les remercier de leur bon travail. Moi, je peux-tu en faire un name drop? Tu peux en faire un name drop. Non. C'est Jeff X, c'est ça? Jeff ouais. Jeff. Ouais, il aime vraiment le nouveau design de RoboCop, puis je voulais vraiment lui donner un petit... j'ai hâte de regarder, là, on va aller voir le nouveau RoboCop en gang à Geek, là, puis le pire, c'est que je pense que ça serait un bon event. On pogne les gens du groupe, puis on va le voir, le nouveau RoboCop, toute la gang. Mais ce qui est plate, c'est que Mike, ma source de film, Mike m'a envoyé « Ain't it cool? » un link là-dessus, puis apparemment qu'il est reporté en 2014, RoboCop. Oh. Ah. Fait qu'à ce moment-là, on va avoir encore au moins un 2 ans de post de nouvelles qui photos. Qui ont dit qu'il faut qu'on retourne arranger ça. Exactement. Ouais. Ben, il faudrait peut-être qu'on commence une pétition avec Jeffek justement pour sauver le nouveau suit, là, pour ceux qui ça reste comme ça. Mélanie, je pense que tu avais quelque chose à rajouter sur le sujet? Ou sur un autre sujet? Un name drop. Soit ça où tu t'étirais? Non, mais il y a deux choses. Premièrement, j'ai le goût de manger des cupcakes. Puis deuxièmement... Je vais aller les chercher, justement. Non, mais je vais en chercher tout de suite. Puis, non, je disais juste en niaisant, mais si tu y vas, vas-y, je t'en prends un bras. Puis le deuxième, c'est... j'aimerais remercier les filles qui m'ont souligné que je devais absolument mettre des guillemets quand je poste un fait au TVA Nouvelle. Merci les filles. Avec vous, j'ai réussi mon test de français. Mais faut que tu montres que c'est une citation, sinon le monde ne comprenne pas. Mais c'est sûr. Ils pensent que c'est tes propos à toi. Non, mais parce que, tu sais, des fois... J'aimerais bien tous vous un par un par la main, mais... Moi, j'ai un name drop bien plus basic que ça, puis ça va sonner comme une plug, puis je m'excuse d'avance, mais je voulais name dropper mon chum Pat Gingras, qui vient de s'ouvrir un resto de taille à Sherbrooke. Puis, ouais, Pat... Non, OK, le cupcake. Il se sentait choyé. Fait que c'est ça, il a ouvert un resto taille zone, puis écoute, on est allé manger là, puis c'était bien bon, puis c'était bien le fun. Fait que félicitations, Pat, à toi, puis tes collaborateurs, puis ton équipe. Name drop pour le Pat aussi. Je suis vraiment désolé que je pensais que c'était sur la rue Sherbrooke, ton taille zone. Puis j'aurais été, mais... Ben, pas de trouble. Dis-toi que j'ai mangé pour toi, Eric. Donc, cette semaine, premièrement, on déguste des cupcakes qui ont... Y a-tu vraiment des... Que femme a fait. Y a des boules sur ton cupcake. Oui, c'est des boules mangeables. Hey, attends, le monde nous voit pas, puis ils entendent. Hey, j'ai un cupcake à boules, moi, avec. Des boules mangeables. C'est mangeable? Je t'ai donné... Ouais, c'est mangeable. Holy shit. Ça, c'est ma femme, ça. Parlant de gâteaux avec des affaires weird, là, checker sur Internet, là, c'est con à dire, là. Mais il y a une vidéo de Lil Wayne qui mange un gâteau qui vaut 1 million pour sa fête. Parce qu'il y a comme plein de poudres de diamants dessus. Pourrais-tu officiellement dire à Lil Wayne qu'il a chié pour ça? C'est-tu ridicule manger du diamant qu'on laisse? Ça doit pas te faire plein de coupeurs en dedans? Quelque chose? Lil Wayne peut officiellement manger de la marde. Attends, un gâteau à 1 million, là. Hey, come on, là. Pourquoi? Ben, c'est pas lui, c'est comme son père adoptif. Je sais pas qui, le Birdman, qui a gaspillé 1 million pour sa fête de dessus. Ben, en tout cas, je vais pas m'avancer c'est dans l'historique. C'est lui qui l'a initié dans la vie du rap. Non, ben, il y a plein de tatous dans la tête, là, puis c'est lui qui a parti Lil Wayne, je pense, là, si j'ai bien compris. Là. Fait que... C'est ça. Tu peux une photo que j'ai parlé c'est vieux, là, ça fait un an quasiment et plus là, de ça. Tout ce que je peux dire, c'est que le plus t'en parles, le plus que je vais envoyer chier Lil Wayne. Je le défends pas pour son gâteau 1 million. Non, mais moi, j'en veux un gâteau. Tu vois, des boules mangeables? Toutes les boules sont mangeables, premièrement. Je m'excuse d'avance. C'était vulgaire. Est-ce que tu mangerais toutes les sortes de boules? Hey, moi, j'ai de quoi je veux mentionner, là. J'ai pensé à ça. J'ai vu un film pendant que... Ouais, OK, c'est spécial. Puis j'ai pensé à Mel pendant ce film-là, mais... Pas, non, c'est pas ce genre de film-là. Non, c'est pas ça. C'était, désolé, Martine. J'imaginais, si moi et Mel, on se rend en couple, ça serait le film idéal à regarder ensemble. Parce que ça s'appelle... Je l'ai déjà vu, mais je l'ai réécouté. Ça s'appelle Midget vs. Mascot. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Midgets versus mascots. En gros, je pourrais appeler ça nains contre des furries. Mm. Puis je sais que Mel, elle a... Regarde, moi j'aime les nains, elle aime le monde qui sont des furries. Non, non, je les aime pas, je les trouve très spécial. Ben, c'est ça, je ne traite pas ces nains de même là, non plus. Là. Mais tu sais, je parle, ça m'attire, ça m'intrigue. Puis, en tout cas, en gros, l'histoire, là, c'est un résumé. Là, ben, vite, mais tu l'as déjà dit, le résumé. Non, ben, il y a une histoire. Il y a une histoire là-dedans. C'est une histoire, c'est filmé bizarre. Là. C'est comme Jackass, mais avec des nains et des mascottes. Puis, non, je te jure, c'est vraiment ça. Là. C'est un nain milliardaire, genre, ou quoi, qui va mourir ou qui est mort. Genre, c'est Bruce Wayne. Non, non, un nain milliardaire. Ah, qu'est-ce que c'est? Puis le gars, en tout cas, le pire, c'est tu l'as déjà vu. Il corrige en plus. Non, non, non, c'est un nain. Le nain, c'est un nain, pas Batman, c'est un nain. Mais le gars, Batman est un nain. Il y a sûrement une version où Batman est un nain. Ben, tu te souviens-tu le cartoon avec le petit genre de mini Batman? Il est comme ah, ben, Gazoo, c'est le Batman. Attends, on parle du Great Gazoo, là? Non, mais c'est comme... Ils ont fait une version Gazoo, mais Batman and Friends. C'est Gazoo avec le saut de Batman qui parle à Batman puis Robin, puis il vient chier tout le temps. C'est comme très drôle. C'est dessiné comme Scooby-Doo, on dirait, c'est Batman. Là, genre, c'est... En tout cas, pour en revenir à Midget vs. Mascot, faites vos recherches sur Google pour le Midget Batman qui vole. Mais on va le trouver, on va le mettre dans... Le milliardaire, il meurt. Puis il fait, tu sais, comme les milliardaires font tout le temps, un comment tu dis ça en français, un will, là, tu sais, ton... Un testament. Comment? Un testament. Un quoi? Un testament, OK. Il fait son vidéo testament, tu sais, sans jamais regarder l'écrire sur un papier comme le monde normal, vu que t'es milliardaire ou quoi, c'est, ah ouais, un fait un vidéo testament. Puis dans le testament, il met, genre, je pense que c'est son fils puis sa fille, il dit, toi, il faut que tu choisisses des nains, toi, il faut que tu choisisses des mascottes. Mais toutes les mascottes, c'est des furries dégueulasses, genre-là, ou quoi de même. Puis ils font des compétitions bâtards ensemble. Puis c'est ça les bouts qui sont filmés à la Borat, à la Jackass. C'est des vraies réactions qui vont demander. Comment il s'appelle le 80s mini black guy, là, qui est... Oh, le porn star noir nain? Là? Non, ça c'est Beetlejuice. Je sais pas pourquoi okay, je connais plus lui que l'autre. Est-ce que t'as regardé du porn midget à poulet? Beetlejuice midget porn tout le temps. Ah, taboy, on est rendu loin. Là. Non, mais c'est un petit noir hyper populaire des années 80. Gary Coleman? Gary Coleman, il est là-dedans. À tapeur. Gary Coleman, c'est le chef de l'équipe des nains, man. Puis, en tout cas, il se bat dans un dépanneur contre une mascotte un moment donné live, là, c'est en tout cas mon genre de niaiserie. Puis il y a des nains, fait que c'était comme mon segment nain spotting de la semaine, genre là. Fait que dans le fond, je pense qu'on va transformer ça vraiment en segment nain spotting. Ça sonne pas peu. Nain spotting. Faut que je trouve un film avec un nain. On fait un comeback avec ça, c'est sûr et certain. On peut-tu te mettre la règle tout de suite, pas de porn? Non, c'est sûr, pas de porn. Hey, on a de la classe, on est un podcast gratuit et vulgaire. J'aimerais vous le rappeler. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ton nom? Ah, OK. Fait qu'on va tomber au croustillant de la semaine, le sujet. On est déjà à 57 minutes, ce qui est intéressant. On a le temps en masse. On s'interrogeait cette semaine à savoir c'est quoi le jeu vidéo par excellence. C'est quoi le meilleur concept? La meilleure façon de le rendre, le meilleur jeu vidéo, selon nous. Selon chacun, vous. Dans le fond. Parce que... Chacun. De un. Ouais. Pas de consensus, vidéos, mais chacun. Mais chaque personne, tu sais, on dit ça serait quoi pour nous? À quatre, mais on chacun, s'entendrait pas. On s'entendrait pas. Là. C'est ça, puis pour qu'on accepte tout de suite que qu'est-ce que la personne va dire, c'est pas ça la générale. Ça va être perspective, ça. Okay, c'est correct. Fait que toi, c'est un jeu de course, on le sait. Non. Oh! Mais le temps, il y a des zombies, puis Mélan, il doit avoir un téléphone à quelque part là-dedans. Là. De quoi ça? Hein? Ton jeu idéal. Ouais, on va starter par Mélan, OK? Ben oui. On va te faire jaser un peu. Idéal. mon jeu idéal, je crois que peut-être que dans un jour dans le futur, ça va. J'avais vu, je me souviens quand j'étais dans l'annonce d'arcade, j'avais vu un jeu d'arcade que tu te rentrais la tête dans un gros, c'est comme une grosse affaire. C'est du virtual. Ouais, VR. VR. Ça, c'est cool, c'est comme rétro-futur. Moi, mais, mais j'aimerais vraiment ça, que ce soit un jour adapté, vraiment. Ah, ça, c'était là, oh my god, les Lawnmower Man Days. Mais ça, il y avait ça à Ronde, hein. Honnêtement, ouais, il y avait la machine café, VR, puis il y avait comme deux, trois machines VR. Puis... C'est ça, moi, je trouve ça cool, mais il n'y a jamais rien qui m'a impressionné à date. Puis... Moi, ça m'a toujours, tu sais, comme la première fois que je jouais à Kinect, j'étais comme... Ils ont volé mon homme! Non, c'est ça, je capotais, j'étais comme, wow, c'est quoi ça? Puis... Moi, c'est vraiment, j'aime beaucoup le virtuel. C'est comme si un jour un jeu va apparaître, que tu te mets un casque, c'est vraiment, tu vas vraiment avoir le feeling là-dedans. Moi, ça serait ça mon jeu idéal. OK. Mais tu fais quoi dans ta réalité virtuelle? Tu fais des tartes ou... Non, pas des tartes. Moi, je pense que c'est vraiment du role-playing. Du role-playing. Avec des masques. Non, la Final Fantasy, mais genre... Puis des costumes, là. Ouais, c'est comme tu te transformes complètement, puis tu te vois, puis c'est ta face, puis tu vois vraiment là-dedans, comme c'était vraiment un peu comme dans... Comme dans Gamer. Comme dans Total Recall, genre un peu, là, tu sais, ça travaille. Hey, regarde-moi pas crush comme ça, c'était bon, ce film. Ouais, le film avec Dexter. Attends, Gamer. Oui, Dexter, il y a le méchant dedans. C'était pas Gerard Butler. Gerard Butler, mais le méchant, c'est Dexter. C'est le héros, Dexter, c'est le méchant. Mais t'avais le shooter que tout le monde jouait, où il y avait dans le cadre des inmates, puis il jouait des shooters. Ouais, pas comme ça. Mais t'avais le Life, qui était comme le PlayStation Home, un peu, avec des vraies personnes. Ouais. La blonde, ouais. Son ex, était une pute péripatitienne, I guess. Elle se faisait contrôler. Non, mais elle se faisait contrôler par un gros lard là, qui reçuait tout le temps, puis il était dans le corps de la fille, puis c'est lui qui pouvait... Ça, c'est une affaire, par exemple. Mais vous, là, dans le monde urbain, là, c'est comme... dégueulasse. Tout le monde joue comme une hot chick, mais personne... Moi, je suis pas capable. Man, je m'excuse, mais je suis pas capable de faire ça. Puis moi, je joue à World of Warcraft, là. Je vois des gars, là, qui sont bien corrects avec le fait qu'ils jouent une fucking Blood Elf bullshit. Femme. Puis comment est-ce que tu peux être une femme dans ton rôle? Je comprends pas ça. Toi, t'es-tu un gars dans ton jeu ou t'es... Je comprends pas les gars qui font ça. Moi, j'ai aucun. Comme pis. En Skyrim, je suis une fille. J'ai pris une fille. Non, mais les gars, la défense qu'ils vont Skyrim, dire souvent, c'est qu'ils chat. Font ça. T'es un. Dans Skyrim, Moutou, j'étais un cacheur. Ça changerait de quoi? Non, mais dans l'interaction, oui. Eux, ils vont dire la défense, c'est qu'ils se font plus aider quand ils sont dans le rôle d'une femme. Puis c'est plus facile dans des groupes. Mais c'est de la bullshit, ça. Là où tu fais slash dance, là, pis le monde, il te donne du gold. Ah, ouais, tant que ça. Yeah. La seule fois que j'ai vu un avantage à prendre. Des meuporgues. Le sexe opposé, genre, là. La seule fois, puis c'est même pas nécessairement un avantage de même, c'est dans Fallout 3. T'as des perks, genre, ou je sais pas quoi que tu peux prendre, puis il y en a un, c'est t'es plus influent envers le sexe opposé ou quelque chose de même. Ah, tu peux l'avoir comme un gars aussi. Oui, mais il y a combien de femmes dans Fallout, puis il y a combien de gars dans Fallout? Il y a pas mal plus de personnages NPC qui sont des gars que tu rencontrais au total. C'était comme 80%. Moi, je trouve ça sexiste. Les autres femmes sont faites raper puis tuer après l'apocalypse. J'imagine, là, d'après l'histoire. Mais quand tu pognes une femme, vu que c'était toutes des gars, ben, tout allait mieux pour le charisme, les questions, les conneries de même. Juste parce que c'était envers le sexe opposé. Si tu prenais un gars, c'est pareil. Mais t'as juste une réaction des personnages. Mais t'as peur, là. Ouais, mais dans elle avait joué du VR, là. La vraie question, là. Tu mets ton casque sur la tête, puis t'inquiète, là. Puis là, c'est comme l'expérience sensorielle. T'es un homme ou une femme dans ton jeu? Une femme. Une femme, correct. Tu passes la test. Milter? Un homme. Un homme, correct. Rick? Je suis un homme fucking viril, man, pis qui est bon, pis qui est good. Fuck the Empire. Un paladin. Moi, je peux-tu... Un paladin cul. Je peux-tu être un chat? Hein? Je peux-tu être un chat comme dans mais Skyrim? Mais le pire, c'est que dans Skyrim, j'ai choisi chat aussi, pis je l'ai nommé le nom de mon chat que j'ai D'autre, eu j'ai fait la même affaire, mais j'ai encore ce chat-là. Pis je jouais, là, pis je regardais la TV, pis il y a vraiment eu un moment... OK, j'avais une coupe de Roman Coke, là, mais je regardais mon chat, je disais « Hey! C'est toi! » Ouais. Parler à ton chat, ça nécessite du ramen coke. Ah, ouais. Mais c'est drôle parce qu'en parlant d'animaux, dans Skyrim, tout ça, j'ai jamais pris un chien comme follower parce que j'ai peur qu'il se fasse tuer. Dans Skyrim, il y a des chiens. Ouais. Ouais. Tu trouves des chiens, tu peux faire des followers comme ça. Attends, mon chat, dans Skyrim, pour avoir un chien comme meilleur ami. Ouais. C'est la Tom oui. et Jerry. Ben, rendu là, c'est de la domination plus que. Domination. Le chat devient la race supérieure qui domine le chien. Ben écoute, ça dépend. Parce qu'il y a des chats, je me faisais casser la gueule dans le jeu. Fait que j'étais pas bien supérieur. Non, mais ton chien, c'est toi, tu t'es fait casser le chien aussi, j'imagine. Ben, je sais pas, je n'avais pas de chien. Ouais, moi, j'avais juste une fille qui courait partout et qui je donnais toutes mes affaires pesantes. Fait que dans le fond, je suis vraiment un enfoiré des jeux vidéo. Ah oh, ouais, traîne mon stock. En fait, moi, j'ai marié un gars, c'est ma pute, et j'ai charré tout mon stock. Mais pourquoi tu prendrais un chien si tu peux avoir une personne, du tout, je comprends pas. Tu peux avoir une personne et un chien aussi. Parce qu'un chien, ça te donne de l'amour inconditionnel. Le chien peut se battre. Il peut faire du dommage aussi. La personne a fait quoi? Elle a fait un sandwich et elle s'assied à la table? Je sais pas. Sont aussi hoches que les chiens dans Dragon Age? Les Mabari, ouais, avec les Warpaint. Les Mabari étaient hot. Fallout 3, t'es un chien? Ouais, mais en tout cas, c'est actuellement un party member dans Dragon Age. Fait que, en parlant de VR, là, j'ai une parenthèse, mais ça m'est venu à la tête. Vous avez déjà vu Strange Days? Strange Days. Tu sais de quoi je parle? Je l'ai en DVD. C'est quoi ça? Ah, hein, c'est pas hot ce film-là avec. Il y avait Ralph Fiennes dedans et tout. Puis ça, c'était Juliette Lewis est dedans aussi. Mais ça, c'était du VR un peu comme qu'elle explique. Mais tu voyais des recordings des gens. Je me souviens du nom du jeu à Ronde. C'était Dactyl Chase. Oui, mais ça, c'était 16$ pour fucking comme 5 minutes. Puis j'ai payé 32$, man. J'ai rentré dans un internet café quand c'était nouveau à Ottawa en comme 97, 96. Puis je jouais à Heretic avec un gros masque. Heretic, le précédent. T'avais Exam. Ouais, Heretic, le id Software, oh, Activision. Wow. Raven Soft, qui de y avait sorcery. Un masque de VR de même. Ben, tu pouvais jouer tous les jeux first person comme ça, mais l'affaire que c'est que c'était vraiment avec ta tête qui tournait de gauche à droite, wow. Puis t'étais étourdi, puis tu l'enlevais, puis t'allais fuck off, je vais aller jouer à Command & Conquer en réseau à place. Là. Arrête de jouer à Commander Keen. Virtual Boy, c'est ça. Virtual Boy, c'est ça. Ça a marché parce que ça donnait des crises d'épilepsie. Ah, mais le Virtual Boy, on s'entend-tu, là? Mis à part les crises d'épilepsie, quelqu'un qui était capable de tenir sa face lui-même en angle, fucké sa table, avec un trépied. Mais ben c'est ça, ça leur tentait pas eux autres, c'est un système de strap pour que le masque te tienne dans la face à la place. Moi, j'étais rendu avec mon Virtual Boy, je le jouais couché dans mon lit. Ouais, t'as pas le choix. Avec le masque étendu sur ma tête. Je jouais de même. T'avais un Virtual Boy pour demain? J'ai eu un Virtual Boy. Oui, t'as pris toutes les consoles possibles. Mais celle-là, c'était, celle-là je l'ai pas eu d'une manière légitime trop. Là, j'étais genre prêté d'un. T'as taxé un autre kid à l'école. Mais je l'ai pas taxé, mais parce qu'il jouait plus. C'était un genre de kid qui se faisait gâter au bout. Puis je m'appelle un jour, j'avais dit, hey, tu me prêtais ton Virtual Boy, il jouait pas, il était en train de gagner la poussière, ça faisait 2 ans que t'es sorti. Puis il me l'a prêté. Tu l'as panné? Puis je l'ai pas panné, mais je l'ai gardé pour un bon bout. Nice. J'allais aux Zellers en finissant l'école avec des chums, puis il y avait un Virtual Boy en démo. Ouais. Avant le déclin de Zellers, dans le temps qu'il y avait du stock. Il y avait Wario qui était cool. On jouait à Wario, puis c'est le seul bon jeu qui était bon. C'est le jeu qui était dans le démo, je pouvais pas demander à madame, change d'autre jeu, là, mets-moi d'autre jeu. Tu serais étonné de voir les gens qui te demandent de changer les jeux dans tes démos. Dans mon autre vie, j'ai un peu plein de références. Mais je peux partager tout le monde, sont plus vraiment barrés. Est-ce que, hey, ton jeu il est poche, tu peux-tu en mettre un autre? Ben écoute, pas de trouble, tu vas-tu acheter quelque chose? Non, je planifiais juste de flâner ici pendant 1h30, m'a peut-être t'acheter un Pepsi si j'ai soif, puis sinon je vais me retourner chez nous, mais je vais revenir demain après l'école. Excellent, fait que je vais te mettre ça, ouais. C'est mon choix de la jour. C'est ça, ben je vais te mettre Sonic Generations. Enjoy! Donc on parlait fait VR. Exactement. Milter. Moi, ben de quoi pour le style de jeu? Ben écoute, start-nous, mettons, ta vision d'un jeu parfait, ça serait. Mes meilleurs jeux là, que j'ai toujours le plus embarqué, que j'ai toujours le plus aimé, fait que c'est quasiment évident que mon jeu idéal serait ça, c'est les sandbox. OK. Je sais pas pourquoi j'aime ça, mais j'aime le fait d'avoir une grosse ville ouverte. Puis pas des sandbox comme que je jouais à Borderlands. Sandbox pour les gens là, qui sont pas familiers. C'est Grand Theft Auto. Okay. C'est comme dans Simpsons Hit and Run. Fait que tu peux faire qu'est-ce que tu veux dans le fond. C'est plus comme un gros corps. Pas le Hit and Run, mais l'autre jeu des Simpsons. Hit and Run? C'est le jeu de char. Non. Hit and Run. Hit and Run, Radical Entertainment, jeu canadien. Bah, un des best. Ah ouais, c'est canadien, ça. J'adore les sandbox. Là, dans les Simpsons, je l'ai chez nous. Là, je savais juste pas que c'était Hit and Run, le nom. Là, c'est quoi l'autre jeu de Radical là? C'est le jeu de Prototype. Ouais, ouais, mais gars, c'est la même gang qui ont fait ça. Ils sont des kings d'open world. Skyrim, ouais. Mais moi, je peux rajouter Sandbox, Third Person. Moins First Person. Mais tu peux aller Third Person en kiss dans Skyrim. Moi, je joue pas assez. Je trouve ça tellement immense. Même Skyrim, ils ont réussi le Third Person, ce qui est intéressant à regarder se battre aussi. Ouais, moi, j'ai mis Third Person. First Person, ça me... Moi, j'ai jamais joué à Oblivion ou Skyrim. J'ai vu des heures, là, à cause de mon ancien coloc, des heures et des heures jouer devant moi à ce jeu-là. Je connais des... Skyrim ou Elder Scrolls, je veux dire. Oblivion, avant ouais. Skyrim, j'étais plus avec mon coloc, là, il était chacun. Vous avez breaké up? Ouais, on s'est séparé. Mais mettons, là, regarde, OK, c'est un sandbox. On y va dans quel contexte? T'sais, c'est un sandbox de quoi? Moi, il faut que ça soit d'aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui va pour mon jeu idéal, dans le sens que c'est un sandbox, mais de zombie survival. Je trouve que tous les jeux à date, puis moi, je suis un méga fan de zombies, là, puis depuis qu'il y a des jeux de zombies, il y a juste Dead Rising, qui est mon jeu favori à vie, qui ça s'en vient, ton jeu, tu veux, je te le promets. Ben, c'est ça que je veux, là, j'ai eu des affaires, c'est quoi, ben, State of Decay. J'ai essayé de War Z cette semaine. Mais c'est ça, ouais. Honnêtement, là, c'est un alpha, puis le customer service est fou, là. C'est vraiment bien. C'est comme DayZ, pour ceux qui connaissent, qui est une modification du jeu Arma 2. Là, je parle en acronyme depuis tout à l'heure. Je parle que j'ai pas été capable d'embarquer. C'était bon, DayZ. Moi, j'ai joué pas mal. J'ai downloadé. Là. J'aime ça, le concept. Tout, puis mais je comprends pas trop quoi faire. Ben, il faut te surveiller. Tu chasses, ben, tu trouves j'ai compris ça, mais j'ai compris ça. Mais c'est parce que le problème avec... Je vais te dire tout de suite mon premier problème avec DayZ. Puis je m'en avais parlé. Tu t'es fait tuer par des... Fuck, non, j'ai eu DayZ, j'ai des excellentes, j'ai des excellents moments de wow, c'est hot ce jeu-là. Okay. Tu joues à DayZ pendant 4-5 heures, tu vas sur des serveurs random, tout le monde va avoir une histoire cool. Mais je vais pas les dire, mais j'ai des histoires cool. Mais j'ai vu moi, c'était les portes barrées. Mais c'est ça, mais là, ça va devenir un jeu standalone. Fait que là, ça va s'améliorer. Ben, moi, c'est parce que moi, des open world, des jeux comme Skyrim, des jeux. Je veux pas dire que je suis un gars qui a des grosses attentes pour que l'open world soit bien, mais moi, mon open world, il faut qu'il soit fucking interactif. Ouais. Ouais. Puis je m'excuse, mais comment hot que Skyrim est, moi, après 15-20 heures, j'ai fait le tour de toutes les mécaniques du jeu, puis je me sens que les limites sont là. Ah, t'as-tu utilisé les Dragon Shout avec Kinect? J'ai pas utilisé Dragon Shot avec Kinect. Tu cries après ta TV. Tes voisins pensent que t'es cave et retardé. Mais tu gueules après ta TV. Regarde, fine, c'est cool. C'est un jeu, ça. J'ai pas joué à ça. Non, mais c'est Skyrim. Kinect, punk tes... Tu gueules tes Dragon Shout. Ça s'appelle Dragon Shout, puis le jeu, c'est genre Kinect. Tu vas juste gueuler après ta TV. Non, Dragon Shout, c'est plus un band de power metal, je pense. Fait que open world, survie des zombies... Ben, MMO un peu. Place des cannes de gaz stratégiquement à des places où ce que tu peux les tirer quand la horde ben, vient. Soit ça, ou aller te chercher des affaires, te barricader pour de vrai dans une place. Gamme, à prendre Dead Rising encore comme exemple, là, qui je capote là-dessus. Là. Mais un moment donné, t'arrives à des places, il y a un gars, il s'est barricadé dans un restaurant, puis il a pris toutes des bancs, puis des chaises, puis des tables, puis des affaires que tu peux prendre vraiment, puis pour une fois dans le jeu, ok, c'est programmé de même que t'arrives dans la place, puis le gars, il s'est barricadé avec ça. Mais pourquoi que toi, tu peux pas vraiment pogner du monde, te barricader, jouer, tu sais, survival vraiment. C'est pas Unreal qui sont en train de faire une affaire de même. Il y a Fortnite. Je pense que c'est Fortnite qui s'en vient. Mais aussi, je voudrais le côté, tu sais, GTA 4, là, quand il est sorti, là. Moi, tout de suite, j'ai joué 5 minutes, le temps de pogner mon cellulaire puis de pouvoir aller en ligne. J'attendais le monde, là. J'étais dans un micro-play à minuit, on s'échangeait nos gamer tags, puis c'était comme, hey, on s'en va jouer en ligne, là. Fuck l'histoire à soir, là. Il est minuit. Pendant 4 heures encore, on va tout jouer en ligne. Ça va venir, ça mais va venir. Il était déjà, c'était quoi, 8 ou 12 dans le game, dans le free world, qui faisait juste se promener, puis... Ah, oh, s'il y avait des zombies dans une affaire de même, puis qu'en plus, tu peux te cacher dans les buildings, puis... C'est ça que je veux. Mais la technologie, elle limite encore le vrai open world qui va être vraiment fonctionnel pour le multijoueur. On n'est pas là encore. Non, c'est ça. Parce que ça va arriver à mon choix un peu de jeu idéal, là, mais... Ouais. Le open world, là, c'est... moi je donne 5-10 ans avant que l'open world soit vraiment, vraiment, vraiment fonctionnel. Je me rappelle, juste une parenthèse sur ce concept-là de nos jeux idéaux. J'ai une mémoire que je garde dans ma tête depuis que je suis. Depuis que j'avais 7-8 ans. J'étais un gros fanatique de jeux de Nintendo. J'étais un gros fanatique de jeux. Puis je vais toujours m'en rappeler du jour où j'étais un petit kid dans le marché au coin de Queen Mary puis Edith à Ottawa. Puis j'étais en train de marcher, en train de penser à des jeux que je voudrais designer. Puis je me rappelle voir le char en avant de moi. J'étais comme, Christy, que ça serait cool avoir un jeu où que je peux juste embarquer dans un char puis driver alentour puis faire qu'est-ce que je veux. Puis je me disais que c'était impossible, que ça va arriver. Puis je comprenais pas comment est-ce qu'on va faire ça. Puis asti que c'est venu. Dans le temps, je savais même pas comment ils programmaient Popeye au NES. Tu sais, c'était comme, wow, comment ils font. Tu sais, comment que ça marche. Là, tout le monde qui a pété une cassette Nintendo sans faire exprès étant jeune, puis qui prend juste la genre de chip verte dedans, puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ouais. Comment que ça marche? Mais encore aujourd'hui, gars, je comprends pas. Puis je pense que même le monde qui place les 1 et les 0 ne comprennent pas exactement comme pourquoi. Là. Fait que tu sais, si tu me dis ça, là, puis je vois des jeux comme Call of Duty ou Borderlands à cette heure. Mais moi, mon jeu idéal, ça serait un genre d'intégration de tout ça. Intégration de tout ça, voulant dire. La réalité virtuelle, le zombie. Ok, non, fuck. La réalité virtuelle. la réalité virtuelle, c'est cool, mais en étant un produit des années 90, je trouve que c'est un peu passé. Là j'ai vu la matrice, là, je veux que ça soit filé direct dans mon cou, là, je m'en crisse. Je veux pas de masque. Tu veux te raser les cheveux pour porter du linge bizarre. Puis faire des raves, puis du drum, puis ouais, c'est du drum and bass. Pis... Non, c'était du tribal, mais ouais, je comprends que c'est du Goa. Du Goa drum. On est-tu en train de parler de la matrice? Non, on parle de la matrice. Fait que ton jeu parfait. Fait que mon jeu parfait, ça c'est parce que moi j'aime bien des RPG, puis j'aime le concept du MMO. Toi, t'aimes ça de promener, puis voir un dresser, donner un coup de pied dedans, puis trouver une potion. Non. Ça, je trouve ça cool, mais je préfère l'interaction entre personnes. Puis je vais donner un exemple. Moi, je joue à World of Warcraft. Okay. Mm-hmm. Je joue à League of Legends quand je peux. J'aime des RTS. J'aime des open world. Moi, mon jeu idéal, ça serait un genre d'intégration de tout ça. Okay. Imagine genre que tu as une histoire comme... Puis le pire, c'est que je pense que tu as déjà des compagnies qui sont en train de faire le groundwork pour ça. Blizzard, c'est sûr qu'ils se préparent pour ça. Bethesda, ils se préparent pour ça avec leur monde. Il y a le MMO de Bethesda qui s'en vient, mais ils préparent toujours des mondes de tout ça. Mais tu crées un perso, puis ton perso, tu peux l'utiliser à travers plusieurs genres de jeux. Comme Dust514 puis EVE Online un peu. Dust, mais eux autres, ils font une intégration écœurante que je suis pas sûr comment ça va fonctionner encore. C'est déjà disponible dans Power Game. Ouais, mais les deals qui se font entre EVE puis le jeu sont pas vraiment fonctionnels encore. Ouais. Parce que EVE, c'est exactement... Justement, quand je te dis qu'il y a des compagnies qui se préparent à faire ces mondes complètement connectés là, EVE, c'est la parfaite exemple, eux autres. Ils ont un univers de créer. En ce moment, c'est juste tes vaisseaux qui mènent puis qui se battent puis t'as des bons combats, mais je te promets que dans les prochaines années, là, ta même corpo que t'as travaillé dans EVE, mais tu vas avoir ton personnage que tu vois que tu vas marcher sur ton vaisseau éventuellement. Ça, je suis d'accord avec toi. Puis moi, c'est un mélange. C'est une affaire la même qui m'attirait beaucoup d'un jeu. C'est de savoir justement que il y a un gars qui trippe, mettons, Flight Sim, que lui, il va contrôler un avion ou quelque chose de même. Exact, ça va direct dans le jeu. Moi, je suis dans mon jeu, puis je regarde dans le ciel, puis je vois son avion passer. Mm-hmm. Tu sais, je peux faire. De combiner tous ces jeux-là ensemble. Mais ça, le groundwork est là pour ça. Là. C'est génial. Blizzard, là, sont en train de parler de leur Project Titan. En ce moment, ça fait 10 ans qu'ils parlent d'eux, là, depuis qu'ils ont annoncé World of Warcraft, puis c'est releasé. Il dit c'est un nouveau IP, là. De la marge, je te garantis que non seulement. Non, moi, je te garantis que c'est une intégration de tout. Ils vont travailler sur le top de World of Warcraft. Fait que mon Zergling va pouvoir se battre avec un Blood Elf. Non, mais... Non, ton Zergling va être dans un univers. Ton Diablo va être dans un univers. Ton World of Warcraft va être dans un univers. Mais le MMO qui parle d'eux, là, c'est World of Warcraft. Là. Ton personnage que tu travailles dessus en ce moment, ça serait du suicide capital de nos jours de tuer la base qu'ils ont créée dans les derniers 10 ans. Puis imagine, là, tu fais ton personnage dans World of Warcraft, puis tu joues sur la version MOBA de Blizzard, où que ton héros il est complètement interactif dans un genre de League of Legends, où que tu peux l'apporter dans des tournois, puis de le jouer là-dedans, et l'avoir comme un héros dans Warcraft 4. Comme, ouais. Moi, je suis convaincu que ça va être un peu dans cette direction-là. Un peu comme le jeu, ok, c'est poussé comme exemple, mais tu me dis quoi le nouveau jeu, là, Spyro, là, avec les petits bonhommes? Skylander. Que Giant sort dans pas long. Ça, là, si j'ai bien compris. C'est la même affaire, ton bonhomme, puis tu l'amènes chez ton ami, puis même si c'est une console différente, tu le mets sur ta petite. Non, mais c'est parce que ton personnage, c'est ton petit bonhomme. C'est du RFID, dans le fond. C'est tout dedans. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu comme tu dis, dans le fond. C'est tout ce genre de connexion là, mais tu sais, t'arrêtes ton affaire que t'amènes de jeu en jeu, puis les affaires comme les achievements Xbox Live, PSN, Battle.net ID, ça c'est tous des univers qui sont en train de se créer en ce moment, qui vont jouer ensemble. Mais tu vois, c'est ça que j'avais aimé dans le temps, tu sais, Final, je reviens là-dessus, oui, je suis un des seuls qui a joué à ça, mais le fait que le monde pouvait jouer sur PS2, sur PC, puis toutes les affaires là-même, tu sais, c'était cool parce que j'avais mis les chums, leur ordi était pas assez fort, ils pouvaient jouer sur le PS2, puis ils embarquaient, puis on était sur les mêmes serveurs, puis on jouait ensemble. Ça, c'était cool. C'est ça, du cross-platform, dans le fond, puis là, t'avais le 360 qui était embarqué. Dreamcast était le premier à faire ça en passant. Ben, pas sûr que c'était le premier, mais Dreamcast qui était un des premières consoles à faire. Je pense que c'était peut-être un des seuls qui était sur le Dreamcast. Avec Quake 3, quand je jouais à Shadowrun ou Xbox 360, que j'ai. Ça, c'était, ils ont essayé de le faire aussi. J'ai joué pendant un bout avec du monde qui était sur, je sais pas quoi, Xbox. Counter-Strike, Global Assault, il le fait. Ouais. Le cross-platform, ça, je trouve, puis tu vois, un peu pour te relancer là-dessus, tu sais, selon moi, un jeu parfait serait cross-platform comme ça. Sauf que, tu vois, regarde, c'est sûr, là, ces temps-ci, je joue à XCOM, je suis influencé de ça là-dessus, mais moi, je voyais ça un peu comme ça, puis t'avais dans le temps un mode de Half-Life qui faisait un peu ce que, dans la lignée où je m'en vais, ça s'appelait Natural Selection. Je l'ai déjà joué, puis après ça, je l'ai retourné. Ce qui est cool de ça, c'est que Natural Selection avait un concept assez innovateur, c'est que tu avais un commandant sur un champ de bataille. Tu avais les aliens contre les humains. De chaque côté, tu avais un commandant. Le commandant, lui, il voyait un peu la vue de haut en bas, il gérait les ressources, il gérait les unités, puis il donnait des waypoints. Fait qu'il disait, mettons, tel escadron allait à telle place, puis... attaquer telle escouade. Là, quand on avait assez de ressources, mais le commandant pouvait déployer une turret ou... C'est carrément un RTS. C'était du RTS. Ouais, mais ça dépend, c'est parce que c'est du RTS, mais le reste des unités sur le champ de bataille, c'est quelqu'un qui joue en first-person shooter. Ouais, mais tu vois, moi, je ferais ça. Ça me fait penser à Brutal Legend, qu'est-ce que tu dis? Ouais. Brutal Legend, au début, je pensais que c'était un sandbox, dans un sens, carrément. Quand ouais, tu bûches des petits orques métalleux puis des affaires de même, t'arrives, il y a ça, t'es bas tout. T'arrives au boss, c'est un peu un RTS. Dans le fond, ouais. Il faut que tu défends. Mais c'est ça qu'ils ont essayé de faire. Avoue que Brutal Legend, c'est... Il est seulement RTS aussi. Ça, je pense que ça a déçu bien du monde parce que le monde voit... Le jeu, on s'entend qu'il était publicisé comme un genre de sandbox métal. Ouais. C'est ça que c'est le jeu quand tu joues. Mais c'est hot. La thématique est écœurante quand tu embarques dedans. Tout du vrai monde en plus, tu parles avec. Mais quand tu arrives, tu dis, hey, je vais jouer online. On va être quoi? 2-4 personnes en même temps en train d'imager des petits orques métalleux. Tu arrives, non, c'est un RTS. Yes, moi je fais mon stage, toi tu fais l'autre, puis tu te bats. Ok, je dis que j'ai l'air à triper sur le jeu, mais quand il est sorti à 60$, quand tu t'attendais à acheter un hack and slash sandbox métal, genre, t'es un peu déçu quand tu te rends compte que le 3/4 du jeu finit en RTS. Ben, tu vois, regarde, dans cette lignée-là, moi je ferais un jeu un peu comme XCOM présentement, mais dans un domaine de zombies, justement. Tu gères, tu sais, t'es le chef d'un campement, mettons. Puis, tu sais, hey, let's go, faut fortifier telle place, faut envoyer du monde aller chercher des ressources. Faut, mettons, avoir des scientifiques qui recherchent telle affaire. Mais là, dans mon monde, dans mon jeu, ce qui est cool, c'est que le monde que j'envoie chercher des ressources, c'est des gamers qui jouent en first-person shooter, puis qui se promènent, puis qui ramassent les ressources. Les scientifiques, c'est un gars qui joue à Tetris chez eux. Puis quand il réussit à faire des Tetris, ben, ça développe des projets scientifiques, des affaires de même. Tu sais, c'est comme tout le monde. Tout ce que je vais te dire, là, c'est qu'on est en train de parler du gaming dans les prochains 5-10 ans. Là. Mais c'est ça qui est cool. C'est la connectivité comme ça. Puis ça va plus loin. Ça, André. Ah oui, ça va régler des problèmes mondiaux un jour. attends, je vais pas aller trop loin. Non, mais vite, mettons, là. Les problèmes mondiaux. Mais j'en ai pas parlé. On a parlé d'XPRIZE un peu là-dessus, là. Mais imagine, tu mets un exemple d'un problème physique. Tout le monde, il essaie de figurer une manière de décoder un génome. Ah, mais c'était pas Stargate Universe? Je suis sûr qu'il y a bien du monde qui l'ont touché, cette idée-là. Parce que c'est là. Là c'est... Ça, c'était malade, faut que je le compte. Au début de la série de Stargate Universe, dans le fond, le kid, il joue à un jeu en ligne. Oui, mais c'est le même qui recrute. Stargate. C'est le même qui le recrute. Parce qu'il y a comme un puzzle pour qu'il débloque comme un des chevrons de la Stargate pour aller à l'autre place. Mais c'est pas carrément comme le film Toys avec Robin Williams, ça, dans le fond? Non, là, tu vas un peu trop loin. Le Toys, ça se passe en ce moment. Non, mais parce qu'il parle de Toys. Là, c'est pas des kids, mais c'est des dudes qui ont joué des jeux vidéo. Qui ont c'est des hommes dans leur vingtaine, mais qui sont en Virginie, qui sont en train de contrôler des drones en ce moment. Mais tu vois, regarde, dans Stargate, c'est que le kid joue en ligne, mettons, c'est un MMO, puis là, il fait comme « Hey man, ça fait des mois qu'on travaille sur l'équation. Je l'ai réussi. » Là, aussitôt qu'il a réussi, ça sonne à la porte, il descend en bas, puis t'es un commandant militaire, puis t'es quitte, puis il fait comme « Bon, t'as réussi à trouver l'équation, tu viens-tu avec nous autres? Tapeur, là. » Puis là, lui, il a réussi à trouver quelque chose. Parce que l'humain, à la base, a une faim d'apprendre. Il a faim de connaître. Puis en ce moment, on a tellement d'humains. Ça dépend quel. Il y en a qui... Non, mais regarde. Il y en a qui ne veulent pas apprendre. Il y en a... Non, je suis d'accord avec toi à 100%. Mais il y en a qui sont... Qui ont faim. Puis à cause qu'on va être connecté à Internet, on va pouvoir se... Tu vas avoir un jeune à Mogadishu qui va pouvoir se mettre en contact en Somalie. OK. T'as jamais vu Black Hawk Down? Man, t'as une mémoire incroyable, ça n'a pas de sens. Non, mais le pire, là, c'est que moi, à mon école, quand j'étais kid, là, j'étais à Ottawa, moi, puis j'ai eu une trollée de réfugiés de cette guerre-là, des kids là, qui arrivaient. Des vrais, là? Des vrais de vrais, là, des jeunes Somaliens là, qui ont, out of nowhere, à Ottawa, là, sont apparus là, tout partout. J'ai été désensibilisé comme un jeune pour le... Ottawa, là, ou de quoi, là, non, mais c'est parce que tout le monde qui arrivait de Mogadishu... Toi, t'es celui qui arrive d'un bateau. Ben, comment qu'il arrive? C'est pas sur le bord de l'eau. Un boat. Non, mais pareil, ceux-là, ils sortent de nulle part, sont à Ottawa. Mais c'est parce qu'à Ottawa, ils ont fait des ententes, mais au Canada, il a toujours été ouvert pour les réfugiés. OK, ils ont... C'est un professionnel de la France là qui a fait un bon salaire, mais on n'a pas besoin d'autres gérants de magasins. Mais on va lui dire non, toi, il reste en France. Non, on va le prendre. Mais le kid qui a des bombes tombe dans sa cour, on va dire viens, la porte est grande ouverte. En fait, la France, c'est un mauvais exemple parce que la France a une entente avec le Canada. Elle n'est pas si bonne que ça parce qu'elle coûte cher en crise. Moi, j'ai un mid-chum en ce moment qui est parké à Paris, puis lui, tout ce qu'il veut faire, c'est de venir au Canada. Mais ça lui coûte bien de l'argent. Il faut qu'il investisse au moins 15-20 000 piastres. Partout où tu viens au monde, si tu veux immigrer au Canada, il faut que tu aies minimum 20 000 piastres dans ton compte. Tu penses? Pas si t'es réfugié. Ouais, c'est réfugié maintenant, il doit bien faire de quoi. Ou... S'il reste là-bas, tout ça pour dire. Ouais, c'est ça. Ok. Engagé ce soir. Tout ça. Tout ça pour dire que ce kid-là qui a faim pour pour connaître et apprendre, puis qui pourrait décoder ton génome que tu parles comme dans Stargate, mais lui va pouvoir se connecter en ligne et discuter avec quelqu'un de Harvard, de MIT, des étudiants qui cherchent. Ben, pour apprendre. Le HEC. Non, je sais, mais dans quoi? C'est un jeu? Non, je te parle de... Ça s'appelle EduX ou EdX. Parce que Harvard, je sais pas si vous saviez, mais ils ont un plan en ce moment pour avoir de l'école gratuite pour tout le monde. Comme vraiment, là, ça passera jamais. Non. Mondial. Checkez ça. EdX, là, ça commence. Ils ont déjà quelque chose comme 130 000 étudiants. Puis c'est toutes des personnes qui ont la... reconnues. Pas des diplômes, mais oui, à quelque part. C'est ceux que tu trouves sur Google Image, là, que t'as imprimé. Je suis gynécologue grâce à Google. Ok, regarde, pour le round et out avant qu'on dérape, juste pour dire que tous les brains qu'on a là, vont être connectés ensemble à résoudre et apprendre. Et ça commence avec des jeux, comme tu dis. Ouais. Là. Parlant de commencer avec des jeux, je pense qu'on va parler de... C'est Segway pour la manette d'or. Ben, c'est un peu ça, là, écoute. On est en train de déraper un peu. On en est rendu un peu au segment de la manette dorée. Vas-y, Dédé, on t'écoute. La semaine passée, Rick m'a donné comme défi d'essayer de finir Raiden 4, qui est un genre de jeu... spatial tir. Top-down shooter. Ouais, un top-down shooter. Mais le pire, là, c'est que quand j'ai vu ça, j'ai eu une petite sueur froide, puis j'ai fait, oh boy, mais il me semble qu'il est rough, ce jeu-là. Il est à mes souvenirs, en tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas joué à un Raiden. Écoute, garde, je vais être honnête avec vous autres, j'ai un peu procrastiné. J'ai commencé à jouer, je pense que c'était dimanche quand on parlait du podcast. Tu t'en es rendu compte, j'ai commencé à jouer dimanche. J'ai mis ça dans l'Xbox. Après que je t'ai dit qu'il y avait un beginner mode. Ouais. Écoute, ça m'a rappelé plein de souvenirs partagés. Tu sais, du genre que, hey boy, t'étais vraiment pas bon à ça. My God, t'en as brisé des manettes. Mais c'est des bons moments de gamer, ça. Sans joke, j'ai trippé parce que le beginner mode, qui était très tough pour moi, mais je l'ai fait. J'ai tout fait les 5 tableaux complets, les 5 beaux gros tableaux. Là. J'ai pris des continues, j'ai pris des vies, j'ai ragé, j'ai catché un mané qu'il fallait que je bouge pas nécessairement à tous les 30 secondes comme un gars qui avait le Parkinson pour éviter les balles. C'est du hand-eye coordination à son meilleur. Là. C'est du hand-eye coordination à son meilleur. Non, mais c'est sûr. Oui, mais c'était plus que ça aussi. C'est comme l'expérience de ça. Puis tu sais, je t'en parlais parce que j'étais avec Eric et Milter en ligne en même temps. Puis, à un moment donné, je parlais à Eric, puis je dis, regarde, d'un, fuck you. De deux, ça, c'est un jeu de party. Oui, mais à deux joueurs, là, ça change tout. Tu crèves, tu passes la manette, tu joues à deux, tu fais quelque chose de même. C'était une expérience. Mais des jeux de cette époque-là sont bons comme ça. Le même Mega Man en gang, un jour, passe la manette là-dessus, tout le monde trippe. Fait que je veux te remercier pour cette expérience-là. Puis ça a amené à d'autres choses aussi. Puis c'est ça que je t'ai parlé un peu avant qu'on enregistre tantôt. C'est que je suis allé me rechercher Raptor sur PC. Je sais pas si tu te souviens de Raptor. Oui. Shareware? J'ai aucune idée, c'est un jeu de DOS, ok, mais ça c'était cool. C'est que Raptor, t'avais un avion, t'avais un hangar, tu customisais ton avion, l'animation, les affaires dans un top grade. C'est un peu comme ça. Tu pouvais choisir ton équipement. En fait, t'étais pas obligé d'upgrader puis c'était permanent. Tu fais comme, ok, je mets les lasers pour cette mission-là, j'enlève les missiles, je mettais l'affaire. C'était pas cool. Prêt à choisir sur le coup, je prends-tu le rouge là tout de suite ou je prends-tu le bleu? C'était d'avance, ça. Ça c'était révolutionnaire. Puis les graphiques étaient cool, le scoring était le fun. Puis j'ai rejoué à ça puis j'ai retrippé. Puis. Aujourd'hui, c'est à mon tour de donner quelque chose à quelqu'un. Cool. Juste avant, j'ai une question, ok, sérieux, puis je l'ai écrit, là, c'était vraiment important pour moi, celle-là. Ouais. Le jeu, c'est un jeu, Eric, tu sais pas si tu peux me le dire, c'est un jeu à 50-60$. Non, c'est un jeu qui, quand il était sorti, était 40, je pense. Deux, la première semaine, 40$. Ouais, mais faut-tu comprendre que les Raiden, quand ils sortent, Ils sortent quasiment jamais. Ils ont un fanbase de fou. Mais il y a un fanbase hardcore. Il y a un cult, ouais, c'est ça. Il y a autant de. Ouais, c'est ça. Ils savent que, mettons, ils vont en vendre 100 000 ou quelque chose, là. Puis après ça, UFO, une compagnie qui ne va jamais se voir sortir d'autres jeux, sort le jeu. Ouais. Moi, que je me demandais, là, c'est. T'aurais-tu payé 40$ pour ça? Ou, comme regarde, moi, j'adore les shooters, les side shooters ou les top-down shooters de même. Je deviens hypnotisé quand je joue à ça. On dirait, je pense même plus. Puis le hand-eye coordination. T'es-tu en train de dire, tu veux que je te le prête? Peut-être, je dirais pas non. Mais je suis tellement habitué à cette heure du gros gaming de qualité, mais des gros jeux, des affaires, c'était du gaming de qualité par exemple. C'est du gaming. Ouais, ben là, on commence ce argument-là. Je veux pas dire de qualité de mauvais ou bon parce qu'il y a des jeux qui sont supposément peut-être mieux faits, tout de quoi, qui sont carrément plates. Graphique ou gameplay. Un peu de tout, là, mais tu sais, mettons que tu compares à Borderlands, on va dire. Puis tu vois un jeu de même, mais je sais que c'est différent, mais moi, ces jeux-là, je l'aurais peut-être acheté. Raiden, là, je l'achèterais tout de suite 15$ sur Xbox Live Arcade. Non, mais celle-là, il vaut beaucoup plus qu'un top shooter de 15$, c'est ça que je veux savoir. J'ai pas joué à celle-là au Xbox, je pense que Moi, je paierais 29$. Moi, non, il vaut pas 30$, là. Ben peut-être 30. Ben, c'est parce qu'il y a rien qui se vend 30. Je pense que ça va plus loin que ça. Raiden, c'est un top-down shooter, un petit peu comme pensait Karuga, un peu. Je veux pas parler des Karuga, tout le monde va avoir des mauvaises mémoires de ça. Mais c'est le genre de jeu que si c'est disponible en copie physique, je paierais 30$ pour l'avoir dans mes mains. Puis savoir que c'est. Parce que c'est un jeu old school. Dans le sens où que s'il y a quelqu'un qui prend le temps de le publier. Ça me ferait plaisir de payer 30$. Ça s'appellerait pas Raiden. Ça s'appelle Raiden. Mais ils les ont sortis au Xbox. Ouais, mais je pense que moi, la manière que je vois ça, c'est garde. Moi, je suis pas le fan typique de ça. Moi, je paierais pas 70$ pour Raiden. Par contre, il était jamais 70$. Par contre, non, mais tout ça, je te l'ai demandé au début. Tu sais, on faisait un parallèle avec Borderlands tout à l'heure. Le replay value de Raiden versus Borderlands, tu vas faire l'histoire de Borderlands, tu vas faire les expansions, tu vas jouer une fois de temps en temps avec tes chums, tu vas le mettre sur la tablette, puis tu vas le laisser là, mais que tu l'aies fini pendant un certain nombre de temps. Puis peut-être un an après, tu vas faire « Hey, c'était cool Borderlands, tu vas rejouer un peu. » Raiden, c'est le genre d'affaire, tu peux ressortir à tous les 30 secondes, puis te péter une game, puis il n'y a pas de trouble, puis quelqu'un vient à la maison. C'est un high score, c'est un old school. Ouais, mais je le sais, mais c'est justement, c'est un old school, le Xbox Live Arcade ou le PSN Network, là, peu importe. Ouais, dans ce sens-là. Ouais, c'est pas fou. Mais moi, je le verrais là-dessus. Tu sais, quand tu y as pensé, tu peux l'avoir. Non, Raiden, il est pas comme ça, mais il y a des jeux. Non, mais c'est ça, il y en a plein. Fait que c'est pour ça que celui-là, je me dis, qu'est-ce que celui-là a vraiment de plus pour pas être un Xbox Live Arcade download? Je vais t'en aller avec toi. Il y en a deux, trois, moi, sur Regarde, mais faut-tu comprendre que le marché des jeux vidéo a changé dans les derniers 5-6 ans? Cinq ans passés, Arcade, il n'y avait pas des jeux à 15$ encore. Là. Je veux dire, c'était 800 points, c'était max. Non, mais 800 points, 1200, c'était rare. Éric apporte un point intéressant, par exemple. Puis le marché du jeu vidéo a changé. Puis ce qui m'amène un peu à donner mon flambeau. Cette semaine, Mélanie. Ben en fait, je me suis dit, je pourrais donner de quoi à Milton, le kit, mais ça aurait été pas, je n'ai pas rien de donné. Puis en plus, ben, je pense que tu vas apprécier ça. Tu vas apprécier ce moment que tu vas passer. Éric va sûrement en avoir long à dire puis avoir des commentaires à ajouter. Fait que je t'ai apporté un petit bijou qui a passé inaperçu puis qui est sorti d'une manière un peu inorthodoxe. T'sais, c'est quelque chose que... Si on parlait de jeux vidéo... C'est un autre test de jeux vidéo cette semaine. J'ai hésité entre un livre ou un jeu vidéo. Un livre, je me suis dit, c'est peut-être... Attends, je veux pas te couper, là, mais c'est parce que moi, juste... Mais je vais te couper. Mais je vais te couper. Je te coupe pas, mais je te coupe. Je te coupe, mais c'est parce que juste pour finir mon affaire de ma manette d'or, je t'ai demandé une critique. Ouais. Je veux un sur 10. Sur 10? Ben, d'avoir fait 15 minutes. Non, mais j'ai joué plus que 15 minutes. Non, par j'ai même fait le mode original jusqu'au 3e ou 4e tableau après. J'aimerais noter qu'André me pointe du doigt en disant yo. Non, mais c'est pas que j'ai aimé ça, mais je déteste. Puis je vais peut-être m'attirer des boss là-dessus, mais je déteste donner des cotes sur 10, puis je déteste me prononcer sur un review. Fait que je vais le faire. Demi-cœur. Je vais le faire de la façon que je vais le faire d'habitude. C'est que. La manière otaku. Comment ça s'appelle, otaku? Non, mais c'était le fun. J'ai trippé. Est-ce que c'est le genre d'affaires que je jouerai chaque semaine? Peut-être pas. Mais c'est sûr et certain que c'est le genre d'affaires que j'ai des chums qui viennent à la maison puis on veut juste passer comme du bon temps à tirer et des affaires d'avant. J'adore le jeu. On se passe la manette, on pogne une coupe de bière, c'est relax, il n'y a pas de problème. C'est un super de bon jeu pour ça. Les graphiques sont cool. Le soundtrack, je veux pas m'amener, il t'embarque dedans, mais j'aime le J-pop de temps en partant. Oui, j'aime le J-pop. Mais tu sais, c'est le genre d'affaire que c'était le fun. Fait que honnêtement, garde sur 10, je donnerai pas de cote, mais c'est sûr que ça va à peine d'être joué. Ça va à peine d'être joué, ça va être peine. Ça vaut la peine d'être essayé. Puis c'est pas mal ça pour moi, Raiden. Puis. Aujourd'hui, je quitte l'appartement d'Éric, mais en fait le condo d'Éric, avec Raiden 5. Fait que, à quelque part, j'ai peut-être pas détesté. Le Raiden Fighters. Il a tellement détesté qu'il va faire le 5 après. Exactement. Donc, pour en revenir à Mélanie, tu vas avoir une expérience avec toi pour les deux prochaines semaines de jeux vidéo qu'Éric va sûrement avoir des anecdotes à raconter là-dessus. Bon. On va essayer de le faire deviner, OK? Moi, deviner? OK. J'ai pas des clues qui vont te faire allumer tout de suite. Je connais pas le studio, je connais pas rien. Je vais te parler que c'est sorti, je te dirais, dans les derniers 5 ans. Vampire Rain. Non, c'est pas Vampire. Le pire, c'est que j'ai passé proche, puis c'était soit ça ou Deadly Premonition, tu sais. On parle d'expérience. Non. Hey, tu sais, Fatal Frame, fallait que je le drop, là, parce que moi, les jeux que tu prends des photos dedans, je trippe, là, mais je sais pas, fallait que je dise celle-là. Il est bon, Fatal Frame. C'est bon, Fatal Frame. Vraiment bon, là. C'est, ça sort de nulle part. Fait que c'est sorti il y a 5 ans. Okay. Ah, ben, 5 ans. C'est dans les dernières 5 ans, si je me trompe pas. C'est un jeu. C'est pas une grosse production, c'est pas quelque chose à 70$, c'est rien. C'est quelle console? C'est sur Xbox 360. Ben, okay, okay. On en a parlé souvent, moi plutôt Eric, dans les années depuis qu'on se connaît. My God, écoute, regarde, c'est un jeu de stealth. Splinter Cell. C'est un jeu de stealth. Attends. Continue. Ok. Écoute, là, je commence à manquer de. Non, non, mais c'est pas si pire, c'est stealth. C'est un éléphant dans un mélange. Tenchu. Tenchu. C'est pas Tenchu. C'est un jeu de stealth, mais faites-en pas, il n'y a pas de répercussions parce que. Naughty Bear. Tout le monde est heureux dans ce jeu-là. Naughty Bear. Non, tout le monde finit toujours par être heureux. Ce qui est le fun, c'est que, tu sais. T'as le traitement royal. C'est sûr, je vais le t'as le traitement royal dans ce jeu-là. Oh, okay. C'est un indice, ça, il a choisi ses mots. Fait que... Je vais failer parce que j'ai une petite creuse à tête. De fin du monde dans me permets-tu d'aller chercher le jeu et de le dévoiler? J'en ai un mot de petite seconde. Traitement royal, jeu de stealth. Tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Je sais pas, mais. C'est quoi le jeu de PlayStation là, que tu roules une boule là, non, mais c'est Katamari, ouais, mais c'est pas ça, c'est pas un jeu de stealth ça. Traitement c'est royal, un jeu de... j'ai pensé au roi dans Katamari. Ça n'a pas rapport, mais c'est moi qui pensé à ça. Tenchu, c'est pas royal, malgré que tu tues une couple de gens. J'ai entendu des nobles là, dans la style japonaise chinoise. Au début, là. J'ai trop hâte de le voir. Ah ouais, parce que je sais qu'aussitôt que je vais le voir, je vais comme. Là, tu vas le voir. Assassin's Creed 1. Non. Ok. Stolen. Non. Oh my god. Hey, Stolen. Mais Stolen. C'était pas au Xbox premier, ça? Stolen, non. C'est pas un jeu de stealth. Oui, c'était au Xbox premier. Hip Games. The Hip Games. Hip Games Montreal. C'est un studio de Montréal. En plus, c'était. Rick, ok. Êtes-vous prêt, là? Moi, je prends un indice. Je vais te donner un indice, tu vas le trouver tout de suite, Eric. Non, écoute, tu vas pas loin de même, je vais pas l'avoir. Tu pouvais avoir ce jeu-là pour. Je sais pas moi. C'était vraiment pas cher. C'était mettons le prix d'un trio. Là. Oh my god, c'est un jeu d'hamburger de Burger King. Sneak King. Sneak King. Fait que tu vas jouer à Sneak King, Mélanie. Tu vas répandre la joie. Oh my god. Mélanie, sneaking, ça venait avec les trios. Il y a la facture dans le jeu. Parce que le problème, c'est qu'il y a la facture de l'achat. C'est pas grave, ça. Écoute, on donnait 4 pièces de crédit pour acheter ça pour vrai. Moi aussi, je l'ai chez nous. J'ai le jeu de Burger King de toute tamponneuse. Ah, mais le pire, c'est que ça, quand j'ai trop, je veux l'acheter. Puis il était quand même mint aussi, le jeu. Ouais. Ben, moi, je les ai tous trouvés à 4,99 chaque. Je pense qu'il m'en manque juste un de la collection des Burger King. Hey non, mais fait que pour les gens à la maison qui sont pas au courant, Sneak King, on est quand qu'il est pas aussi bon que Dishonored. Le rôle du roi de Burger King. Puis le but, c'est de surprendre les gens puis de leur faire le ça. Peux-tu juste noter que Super Club Vidéo va pour 15 piastres? Non, mais en fait, c'était un. Il est pas coté dans le système. J'ai payé 5 piastres. Parce qu'il est pas coté dans le système, mais le magasin le vendait ce prix-là, fait que je l'ai acheté. Mais honnêtement, ça vaut son pesant d'or, ce jeu-là. D'un, il n'y en avait pas beaucoup, puis il est top à trouver. C'est la collection, à ce moment-là. Ah ouais, d'aplomb, là. Peux-tu au moins renommer où est-ce que tu l'as trouvé? Non. Pas le magasin, mais la ville. Non, on dira pas que j'ai acheté ça à Rodin. À Rodin! C'est la seule place qui restait. Non, non, mais le pire, c'est que tu me dis, mettons, j'ai acheté ça, je sais pas, moi... Sur Queen Mary ou de quoi de même, Rodin. Il n'y a même pas de Burger King à Rodin. Je sais même pas comment ça a fait pour se ramasser là, OK? Non, le pire, c'est que ce genre d'affaire, c'est juste un feel good, là. C'est le fun. Mais c'est malaisant en même temps, parce que tu vois la face du roi de Burger King qui. Puis il marche avec des mains en T-Rex, puis il creep, puis c'est vraiment étrange. T-Rex, puis dès que le gars est en train de couper sa haie, là, t'arrives en arrière de lui, tu payes sur le pito, puis tu crisses un burger dans la face, t'es cool, ok, je mange la burger. On peut-tu faire une petite parenthèse de jeu marketing? Xbox. Like a hamburger. Ouais. Mais Xbox, il y avait aussi dernièrement Doritos qui ont fait une attaque oui. de jeu. Et tous les jeux gratuits, j'ai dans. Tous les jeux gratuits, eux autres sont allés directement à Xbox Doritos, Live. C'était le petit taxi, mais un dinosaure qui démolit. Il y avait ça, il y avait le Avatar. Il y a un Avatar. Comme Wipeout. Comme Wipeout. Ça, je l'ai. Puis ils ont un jeu de combat de char. Des courses puis des combats de char. Là, tu me fais penser à ça. ça, moi j'ai downloadé, ok, jeu de char là, que j'ai downloadé, là, inutile pour moi, là, mais le jeu Yaris. Ben ça, pis ça c'est Toyota, je m'en allais dire, Toyota, ils ont fait leur chose. Ça, j'ai joué 5 minutes avec, j'ai arrêté, j'ai dit ok, c'est pas pour moi, first un jeu de char. Tu voulais pas tes achievements? Moi je voulais même pas y donner mes achievements. Je suis tellement achievement whore là, moi là, une pute à succès pour la traduction française. Ça sonne propre, ça sonne vraiment moins bien. C'est tellement plus intense en français, pute à succès. Pute à succès. Tu fais n'importe quoi pour être une star. Occupation double, anyone? Genre, là, carrément. Mais j'ai abandonné ce jeu-là. J'ai même pas un point là-dessus. J'ai fait non, j'en veux pas, je suis pas capable. Petite anecdote, parce que tu parles de point d'achievement. Là. Je pense que tu as dit que tu parles d'occupation double. Non. C'est moi qui l'ai dit. J'étais à Rodden, puis là, j'ai sneaking dans les mains. Là, je fais, je peux pas acheter ça, puis je peux pas amener ça comme une manette dorée. C'est une manette dorée, soit actuelle ou éventuelle. Puis du coin de l'œil, il y a Avatar Burning Earth. Tu sais, le jeu qu'on disait, tu sais, le 1000 points d'achievement de même, là, à vendre. Puis là, je fais, ah non. Puis j'ai vraiment hésité. Puis là, t'as quelqu'un qui est à côté de moi, puis qui me dit, t'as l'air hésité. Je dis, ouais. Mais il me regarde, il me voit avec Sneak King, puis il me regarde d'un air vraiment bizarre. Puis il dit, c'est quoi l'autre qui te fait hésiter? Je dis, ben le Avatar dans le coin là-bas. Il m'a regardé, il a rien dit, puis il a comme marché de reculons, puis il est parti. Là, je me suis dit, hey, t'es étrange à Rodden. J'étais là, oh, ok, ouais. Moi, je veux savoir plus de cette histoire-là hors onde. Écoute, non, mais honnêtement, du bon monde là-bas, mais j'étais juste vraiment surpris de tomber sur Sneaking, puis je me suis dit, Mel, regarde, je m'excuse, mais tu vas essayer Sneaking. Fait que la semaine prochaine, dans le fond, tu nous arrives avec ta une fois que tu nous acceptes comme friends, on va pouvoir t'observer aussi le faire. Si tu nous flushes de Facebook, on a compris. Donc, le mot de la fin, tout le monde. Est-ce qu'on veut finir avec un petit quelque chose de personnalisé? J'ai plein de choses à dire, mais... Ben, vas-y. Moi, en tout cas, j'ai rien de spécial à dire. Là, je m'enligne pour... je voulais le dire, dans le fond, non, là. Oups. Depuis le début, OK, là. Dis-le. Oh my God! Non, okay. il veut, là. Je suis frustré, là, sur quelque chose, là. Je m'ai pogné toutes les What If de Marvel, là, les comic books, là. Okay. Toute la vieille série, là. Est-ce que c'est poche dans le fond là? Moi j'étais sûr, dans ma tête c'était super bon là. Puis... Mais c'était à cause des élus quand t'étais jeune ou? Plus j'avais comme 16-17 ans là. Puis même ils n'ont jamais été exceptionnels. J'ai pogné ceux de 1979 là. Puis c'est des maudits plots niaiseux comme What if les Fantastic Four avaient d'autres pouvoirs? Who cares? Ils ont ces pouvoirs là, ils n'ont pas les autres pouvoirs. Ouais, mais attends, tu l'as mis ça la photo, puis il y avait des pouvoirs quand même assez cœurs. Hein, à part Invisible Woman qui se ramassait avec l'autre. Invisible Woman est rendue genre. À stretch comme Mr. Fantastic. Mr. Fantastic s'est rendu un cerveau qui vole puis qui parle. The Thing est rendu un humain normal qui a des ailes. Puis Johnny Storm, là, le gars en feu, il est rendu. C'est quoi non son nom? Il est rendu qu'à ça, ma colosse. Mais What If, là, juste la question. Je suis content qu'ils ont au moins eu la question What If. Parce que comme André va être d'accord avec moi, What If, c'est la base de bien des bons jeux vidéo. Genre, What If. It's not in San Francisco. Mais c'est que j'ai... On va mettre la vidéo, vous allez comprendre ça. J'ai juste arrêté la série, genre, je l'ai lu comme 10-12 ans. J'ai goût de faire 10 clics. Puis j'étais comme, ah, fuck off, je suis pas retourné à des Deadpool ou... c'est quoi donc, j'ai lu aussi Deadpool, puis... J'ai commencé des Daredevil, ça c'est pas chiant. Daredevil, c'est pas bon. Hey, t'es-tu en train de dire qu'un avocat aveugle qui est cascadeur le soir avec un saut rouge, c'est plate? Non, mais il y en a des popées, il y en a certaines qui sont mais popées. Mais il y a des hauts et des bas, là, je mais me c'est dis, pas. C'est ça, là. J'ai pas en ordre, je suis rendu dans mes classiques, mon moment du Golden Age. Parce que le Golden Age de comic, là, il y a une couple de bonnes séries, mais sont très évidentes les bonnes. Et même X-Men, là, moi j'ai fait toutes. Comme j'avais trippé X-Men j'ai quand j'étais kid. Uncanny X-Men du début, justement. Puis mais Uncanny, c'est bien, mais même X-Men, ça devient laid en crise à des moments. Faut que tu vas pour les grosses lignées d'histoire qui ont juste commencé à faire dans les années 80-90 à peu près. Avant ça, c'était du n'importe quoi. Là. Moi, ce qui me surprend encore, là, c'est que... On a encore du matériel à déraper tant que ça après 3 épisodes, puis j'ai l'impression qu'on pourrait continuer des heures dans le monde. En tout cas, What if Robocop was on a motorcycle? C'est ça que je vais dire. What if j'avais mis mes guillemets dans mon paragraphe? What? On sait jamais. What if vous venez d'écouter le saison 1, épisode 3 du Geek Collectif? Et voilà. Mon nom est André Paquette, Uzumaki QC sur Twitter. Je vous invite à nous suivre dans deux semaines pour le quatrième épisode. On vous remercie d'avoir été avec nous. Merci. Donc, suivez également Mélanie. Ah, Éric, Montréalien. Exactement. Poche en Twitter toujours, mais je suis là. Bon, tu réponds une fois de temps en temps, Rick. Hein? Ouais. Zombie Melter, PS. Arrêtez de chialer sur Hostel 3 aussi sur Facebook, s'il te plaît. Moi, j'ai trouvé bon. OK. Hostel 3. Je savais même pas qu'il y avait un troisième. Ben ouais. Il n'est pas si pire que ça. Arrêtez de chialer. C'est ouais, comme un Wrong Turn 5, tu sais. Ouais. Affaire. Wrong bon, turn c'est 5. Tout bon. Oui. Autant que ça 5, j'aime ça. Remake, non, mais suite en perpétuité, vas-y. Suivez-moi sur Twitter, j'ai pas vraiment envie parce que dans le fond, je peux rajouter quand j'ai quelque chose pour chialer. C'est correct. J'ai l'air quelqu'un de négatif. Mais non. Pas négatif, on aime ça. Depuis ton matricule, là, on est correct. Mon matricule. Les maudits gratteux de guitare. Hein. Ouais. Les maudits corps et rouges. Pas de sens. Donc, nos codes d'école viennent de dropper. Avec 3-3 à la place des 2 E dans Geek, parce que je suis une vraie geek. Ils devraient mettre des 3 à la place des E, même dans leur test de français. Pas capable de faire un 3 dans Rec, je dis ça de même sur Twitter, mais on continue. Donc sur ce, on s'en va s'en déboucher une coupe, puis on vous souhaite bonne soirée, bon après-midi, bon matin, bon peu importe. Merci d'être à l'écoute. Bon trafic. Ciao tout le monde. Au revoir. Au revoir.